disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 40. Avant de commencer cette émission, je vais procéder au rappel traditionnel de celle-ci. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email, dempart, évidemment d'un seul mot, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. Cela vous permet de commenter les émissions, commenter les articles qui passent évidemment sur le site internet de Démocratie Participative, commenter dans les différentes sous-sections du forum. Il y en a un certain nombre, une sur les crypto-monnaies, un guide racial des villes, etc., etc. Vous connaissez tout ça pour la plupart d'entre vous, mais pour les personnes qui découvrent, n'hésitez pas à vous y reporter. Nous avons une nouvelle adresse email. Vous savez que nous sommes régulièrement censurés par les autorités entre guillemets ou entre parenthèses plutôt françaises. Donc là, nous sommes en point club, democratie-participative.club. En attendant, je ne sais pas quelle autre adresse, on verra bien. .gouv.fr. Après la révolution à ce moment-là. Hein. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et je vais tout de suite commencer par la présentation des membres. Bon, bah, je vais commencer avec Porovitch, puisque bon, il est sorti du bois très vite, Porovitch. Salut Poro, j'espère que tu vas bien. Ouais, salut à tous, salut aux auditeurs. Et puis voilà, prêt pour une nouvelle émission. Tout à fait. Tu es aussi avec nous cette semaine. Zyklombix, salut Zyklon, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça gaze. Ça gaze, très content de vous retrouver. Et aussi avec nous cette semaine, Hopman America, j'espère qu'il va bien, notre cher Hopman. Hartung, je vais bien, j'espère que c'est pareil pour vous, chers auditeurs. Ouais, on fait aller, hein, on fait aller. Et aussi avec nous cette semaine, Fulbert, salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Enfin, est aussi avec nous cette semaine Alex. J'espère qu'il va bien, notre cher Alex. On va avoir pas mal de choses à aborder au plan sanitaire dans cette émission, puisque c'est une espèce de révélation. Hein, toutes les nouvelles tombent en même temps. Oui, salut Gandalf, salut à tout le monde, bonne émission. Alors avant de commencer l'émission en tant que telle, je tiens à remercier nos donateurs. Sachez que vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez, si vous aimez ce qui est fait, en nous faisant des dons exclusivement en crypto-monnaie Monero. Et vous allez voir dans le cours de l'émission que ce qui est annoncé ici depuis quand même un certain temps est corroboré au plus haut niveau. Vous allez voir de quoi je veux parler. Donc vous pouvez nous soutenir par Monero. D'une manière générale, je vous encourage à maîtriser les crypto-monnaies et plus particulièrement celle-là, puisque c'est par celle-là qu'on peut nous soutenir. Nous avons un don cette semaine, alors ça je parle des personnes qui nous ont écrit, qui nous envoient un courrier pour nous dire qu'ils nous ont fait un don. Donc je remercie tous ceux qui nous soutiennent mais qui ne se manifestent pas par courrier. Donc ça c'est Karl qui nous demande une vérification. Alors On va bien sûr procéder à cette vérification. Pouvez-vous confirmer la réception du don de 0,2 Monero que je viens de vous envoyer? Transaction 1. Je suis en mode turbo boomer quant aux transactions en crypto. Merci d'avance. Donc c'est signé Karl. Alors Karl, on va vérifier tout ça. Pardonnez-nous un peu pour le retard. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est un peu difficile. Beaucoup de trucs à faire en ce moment. Donc il faut suivre. Mais ça sera fait. Ça sera vérifié. Et merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. Alors, messieurs, sans transition aucune, commençons cette émission avec la rubrique numéro 1, autisme radical. Il y a deux cas d'autisme radical, il y en a plus en réalité, mais il y en a deux qui ont retenu mon attention. J'espère qu'elle aura aussi retenu, qu'ils auront aussi retenu la vôtre. Alors, premier cas d'autisme radical particulièrement sévère. On est au niveau artistique. De toute façon, ça va être ces cas d'autisme radical concernent les arts, hein, le domaine des arts. Alors, le premier, c'est l'École nationale supérieure des beaux-arts qui nous présente, je cite, l'œuvre suivante, hein, la performance filmée suivante, Le règne de la colère de Pau. De Pau, voilà. Performance, diplôme national d'art plastique, DNAP de Pauline Conforti, donc qui est l'artiste qui se met en scène dans cette performance. Alors ça se passe dans la chapelle des Petits Augustins, hein, Beaux-Arts de Paris, hein, donc c'est un lieu, c'est très très beau d'ailleurs, il y a des reproductions d'œuvres d'art très connues, bon, vous pouvez éventuellement voir ça. Et alors donc c'est dans ces lieux très beaux, en tout cas jadis, il y a une performance artistique. Alors avant de la décrire, on va passer un petit extrait. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas tout à fait ce qui se dit durant la vidéo, je vous donne les extraits, voici ce qui se dit. Hein. Patriarcat, suprématie blanche, capitalisme, patriarcasos, suprématie bolos, capital loser, cassos bolos, loser, sauce loser. Alors, on écoute cette performance et on se retrouve. Messieurs, bon, performance artistique, il s'agit d'obtenir un diplôme, hein, des beaux-arts. Alors, voilà, on est dans les arts. Hein. Alors, Pau, est-ce que tu es lié à cette expérience? Parce que la colère de Pau, la colère de Poro, est-ce qu'il y a un truc là-dessus? Non, non, j'ai absolument rien à voir, s'il te plaît, pitié, non, ne m'assimile pas à ce truc. Non, je crois que. Bon, elle est folle, hein, la grosse, elle est folle. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est folle? Bah, je sais pas, ça crie, ça hurle, il y a des. Bon, c'est incohérent. Bon, c'est. Moi, ma réaction première, hein, c'est de vouloir réclamer de façon urgente la libération, en fait, de Anders Breivik. Hein. C'est vite, vite. Alors, comment dire? Oui, en fait, bon, en fait, elle a ses règles, hein, visiblement, hein, c'est clair, hein, elle est en phase. De menstru, n'est-ce pas? Elle est en pleine montée, là. Tu vois, bon, là, c'est l'hystérie féminine, hein, dans tout ce qu'elle a de plus caractéristique. Alors, il y a tous les éléments du jargon féministe, hein, et antiraciste, bon, je les ai cités. Mais si vous êtes observateur, vous regardez que la fameuse performance. Alors, en fait, ils sont là, ils ont accumulé des espèces... C'est pas des statues, hein, mais c'est de la matière. Il y a deux couleurs, c'est du bleu et du rose. Et c'est, voilà, c'est une espèce de tas solidifié comme ça sur le sol dans cette chapelle. Hein. Et tout d'un coup rentrent donc des étudiants, ou je ne sais, des femmes et des hommes soja. Des bicots, des nègres. Ouais, des trucs bizarres. Et ils se mettent à casser en hurlant. Et donc il y a la grosse qui est là. Ah, et donc ça, c'est visiblement de l'art. Donc. Mais je disais, il y a deux couleurs, il y a le bleu et le rose. Et ils cassent. En fait, symboliquement, les polarités sexuelles. Ouais, ça va très loin, vous voyez. Et donc, ils cassent tout sur le sol. Voilà. Ce qui est intéressant, ce qui m'a choqué dans cette histoire, outre le fait que les colères de Popo, alias caca vagin, parce que finalement les gonzesses, quand vous les écoutez ou quand elles font de l'art, c'est juste ça, c'est caca vagin. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on dit souvent le contraire. Ouais, les mecs, vous parlez que de votre bite, vous êtes centré sur votre bite, vous avez une bite à la place du cerveau. En fait, je sais pas si ouais, ouais, beaucoup passé de temps avec des femmes, voilà, hein, ou des hommes, parce que quand on est entre hommes, bon, on parle peut-être de nos conquêtes, mais les mecs qui se respectent un peu, ils vont pas te sortir des trucs dégoûtants comme peuvent le faire les gonzesses, quoi. Moi, j'ai dit, enfin, les gonzesses qui te parlent de leurs règles, de limite, elles vont se faire envoyer des détails. T'as envie de dire, je suis à côté, vous arrêtez. Bon, bref, les gonzesses. Moi, ce qui m'a réagir, c'est le contraste, hein, qui saute aux yeux de tout le monde entre la beauté, la sérénité, l'équilibre, en fait, l'harmonie qui se dégage de la structure dans laquelle cette tarée et sa horde de débiles ont officié, en fait. On est dans une chapelle qui, si je dis pas de bêtises, est baroque, avec des œuvres d'art sur les murs, hein, des lots réalisés par je ne sais pas qui, hein, mais donc des gens qui ont démontré quand même une maîtrise de leur art, en fait, donc que ce soit tant l'architecture que la sculpture ou la peinture. Et on a cette tarée hystérique, sponsorisée, même entre guillemets, hein, par l'État français pour déconstruire ce que les hommes blancs, des générations d'hommes blancs ont construit, en fait, au fur et à mesure de leur vie. Et c'est choquant, en fait, dichotomie, parce que c'est notre avenir. C'est tout ce que nous avons créé, tout ce que nos aïeux ont créé, ont construit de leurs propres mains, tout le travail de recherche, qu'il soit intellectuel, qu'il soit pragmatique dans les matières, dans les techniques, ça va être jeté, en fait. Ça va être déconstruit. Et je regardais il n'y a pas longtemps des photos des expositions universelles de la fin du 19e et du 20e, que ce soit des bâtiments, des pavillons temporaires qui étaient montés, que ce soit l'architecture générale, en fait. On était encore dans la volonté d'exister, dans la volonté de grandeur et de puissance de l'Occident. Pas forcément, on régnait sur nos empires coloniaux, c'est sûr, mais l'architecture traduisait ça, en fait, et traduisait une volonté de vie de l'homme blanc et de la civilisation, en fait. Et je vois la couleur de peau, c'est tout simplement notre mort, en fait, qui est mise en scène. Oui, c'est intéressant comme moment l'histoire de l'art, entre guillemets, parce qu'en fait, ça, c'est pas de l'art. Hein. J'ai envie de dire, c'est même pas de l'art dégénéré, parce que c'est pas de l'art tout court. Mais on a l'impression de voir, en fait, des enfants de 7 ans qui font du gribouillage, comme dans les écoles, là, et qui crisent parce que vous n'acceptez pas ça comme de l'art, en fait. Alors, eux, ils crisent, on ne sait pas sur quoi. Elles parlent des hommes, elles parlent de on ne sait pas exactement de quoi elles crisent. Bon, je ne sais pas, visiblement, elle a un problème avec les hommes. Je sais pas. Si, on le sait. Donc, nous avions un doute sur l'origine de cette œuvre, et elle est explicitée dans la présentation, à savoir que cette jeune femme, déjà très laide, a été violée par son père. Il s'agit donc de la catharsis d'un traumatisme antérieur dans une chapelle, lieu d'une confession tout à fait privée. Oui, voilà, ça remet un peu plus les choses en perspective. On sentait qu'il y avait quelque chose, hein, d'un petit peu névrotique dans la performance. Alors, oui, je disais que ça avait l'air d'être des enfants de 5 ans qui font une séance de gribouillage et qui hurlent en disant « c'est de l'art » et tout. Non, c'est pas de l'art, hein. On est dans une oui, plutôt dans le thérapeutique déjà. Et thérapeutique étant là comme très généreux de ma part, parce que ça supposerait une guérison, et là on est quand même très éloigné d'une perspective de guérison. Hein. Donc mais c'est tenu pour de l'art, alors que ça n'en est pas, hein. Voilà, il suffit pas de dire quelque chose est artistique pour que ça le soit. Hein. Donc voilà, donc ça c'est l'état des beaux-arts aujourd'hui, il n'y a aucune espèce de raison que ça change, puisque c'est à l'image de la classe dirigeante en France, hein, enfin de la couche supérieure de la la bourgeoisie française aujourd'hui, hein, c'est-à-dire féminisée, dégénérée, enjuivée, cosmopolite. Donc voilà. Enfin, le truc avec les performances, en fait, c'est que ça ne nécessite pas d'avoir d'expertise technique. Il faut savoir que dans l'art contemporain, alors pas chez tous les artistes contemporains, mais beaucoup, c'est qu'avec l'art conceptuel ou prétendu conceptuel, on peut s'affranchir de toute maîtrise technique effective. Contrairement à un artiste ou un peintre qui doit démontrer qu'il sait peindre, en fait. Voilà. Et alors, de toute façon, aujourd'hui, la sculpture a été complètement détruite, en fait, par... au XXe siècle, la sculpture a été détruite. Donc, il n'y a plus vraiment de sculpteurs au sens strict. Vous avez des gens qui font des cubes, d'autres qui prennent de la ferraille, qui assemblent ça, qui disent que c'est de la sculpture. C'est vraiment atroce, hein, je veux dire, on le voit avec les commandes d'État, puisque, en fait, tout ça est piloté par le ministère de la Culture, le très mal nommé, à l'instigation de Jack Lang, bien sûr, dont vous connaissez aussi les méfaits. Et donc, vous avez énormément d'argent, c'est colossal, hein, le budget du ministère de la Culture, c'est plus de 10 milliards d'euros, je ne sais pas si vous représentez la chose, 10 milliards d'euros pour arroser de fric des courtisans qui plébiscitent le pouvoir en place, bien évidemment. Donc, on paye, si vous voulez, comme ça, des fumistes, des dégénérés faire des trucs sans qu'il y ait de demande. Ça, c'est le... Et comme ça tombe, comment dirais-je, pile poil dans leur discours sur la diabolisation du marché, etc. Bon, il y a toujours eu un marché de l'art, hein. Mais là, si vous voulez, ils peuvent faire n'importe quoi, c'est subventionné. Donc, s'ils sont dans les petits papiers du ministère de la Culture et des bons du ministère de la Culture, ils peuvent recevoir des commandes d'État, quand bien même personne ne veuille acheter leur bouse. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Il y aura des gens pour l'acheter, parce que comme ça va être coté par des institutions... et que l'État garantit un certain prix, ça permet à des gens de faire des investissements et au passage aussi de défiscaliser. Ah oui, non. Ah oui, mais ça c'est les. Pardon, les œuvres d'art ou prétendues telles ne sont pas soumises à la déclaration dans l'ISF depuis un certain Laurent Fabius, je crois. Oui, mais ça c'est bien. En fait, il y a tout un. L'art, c'est devenu tout un micmac comme ça pour gens riches, en fait. Voilà, ça leur permet de capitaliser, puis d'échapper aussi au passage aux impôts. On est très loin de l'intention première qui était d'éveiller l'âme, d'inspirer des choses aux gens. Non. Là, on est vraiment dans la société de l'argent. Hein. C'est un truc purement économique. Pardon. À moins que je puisse... Vas-y. Pour donner aussi un autre aperçu du niveau d'auto-subvention de cet entre-soi, j'étais il y a un peu à la Comédie Française, un des théâtres parisiens les plus courus. Les places y sont vendues entre 20 et 30 euros. Et de l'aveu même des gens qui tiennent à cet établissement, si elles devaient être vendues au prix du marché, c'est-à-dire au prix permettant de rembourser le coût d'une représentation, elles seraient vendues entre 150 et 200 euros. Oui, ça vous donne une idée. Exactement. D'ailleurs, si vous avez suivi ça, vous savez, avec toute cette histoire de Covid et d'injection massive de liquidités dans cette nouvelle économie Covidiste où en fait le marché n'existe plus, c'est-à-dire que le rapport entre l'offre et la demande n'est plus le critère en fait. C'est uniquement le fait du prince, c'est-à-dire c'est le prince au sens strict, hein, c'est-à-dire c'est Macron qui dit je donne de l'argent à telle catégorie, telle profession ou telle personne, et pas à telle. Et vous voyez la dette française s'envoler, et ça n'a l'air de déranger personne d'ailleurs. Quand on interroge un peu les hommes politiques sur cette question, ils disent « oui, mais c'est pas grave, puisque les taux d'intérêt sont très bas, donc comme si jamais un jour les taux d'intérêt devaient éventuellement remonter. » Bon, ils ont l'air très sûrs de leur opération, alors à leur place je le serais un peu moins. Enfin, toujours est-il que Emmanuel Macron est très généreux avec l'argent qui n'est pas le sien, bien sûr. Et dans son plan Covid, ça a été assez peu remarqué, il a une enveloppe très modeste de 2 milliards d'euros. On ne se rend plus compte des chiffres. Hein. On ne se rend plus compte des chiffres. On perd toute notion des chiffres. Parce que sous Macron, au global, hein, entre les emprunts qu'il a souscrits, les déficits, etc., l'argent qu'il aura remboursé, bon, c'est facilement une présidence qui va se terminer à 1 000 milliards d'euros. La blague, hein, je veux dire, il faut mesurer quand même ce qui se passe. Hein. 1 000 milliards d'euros. Il a pris le pouvoir, hein, il y avait à peu près 2 400 milliards de dettes depuis les années 70. C'était 40 ans de dettes, 2 400 milliards. En 5 ans, il en a rajouté 600 officiels, mais avec les intérêts, etc., enfin, ce sera bien évidemment beaucoup plus, qui seront remboursés par on ne sait pas qui d'ailleurs, enfin les futures générations, en théorie du moins. Et là, donc là-dessus, sur ces sommes énormes, il y a 2 milliards. On dit, oh, bah, finalement, 2 milliards, c'est pas très important. Oui, c'est vrai, dit comme ça, 2 milliards d'euros, c'est pas très important. Alors, 2 milliards pour la culture. Alors, j'ai été creusé dans le détail, qui c'est qui touchait parmi les 2 milliards. Alors déjà, d'emblée, il y a plus de la moitié pour la région Île-de-France. D'accord ? Donc, tous les Français vont rembourser ces 2 milliards. Mais, on va dire que 60% de ces 2 milliards ne sortiront jamais de l'Île-de-France, et plus précisément de Paris Intramuros. Et quand vous vous intéressez où ça va, bah ça va justement l'Opéra de Paris, le machin. Alors les gens, ils aiment bien l'Opéra, d'accord, je le comprends bien, mais on est bien d'accord que là, c'est tous les Français qui payent pour quelque chose qu'ils ne verront pas, dont ils ne profiteront pas. Donc on voit bien où les décisions sont prises. Et en fait, c'est la bourgeoisie parisienne qui est en train d'emprunter pour se faire plaisir. Alors oui, c'est Comédie Française, oui, c'est l'Opéra, oui, etc., etc., etc. J'ai même vu qu'il y avait un château qui allait complètement refait, toujours en Île-de-France. C'est 150 millions d'euros. Je ne sais pas pourquoi, il ne voit pas le rapport avec le Covid ni rien, mais voilà, il balance le pognon comme ça, alors on va faire un peu de restauration, etc. Et à côté de ça, alors dans les régions, évidemment, ils n'en voient pas du tout le début du quoi. Quand vous regardez les enveloppes qui vont, c'est quelques millions d'euros ici ou là, sur 2-3 sites dans les régions, quoi, hein, en Normandie, un site, voilà, ouais, allez, quelques millions d'euros pour faire plaisir aux gueux, quoi. Mais tout le pognon est concentré sur Paris, d'accord ? Et notamment, et je voulais faire le lien avec ça, là, c'était les Beaux-Arts de Paris. Mais c'est vers tous ces fils et filles de la bourgeoisie, oisifs, qui n'ont rien à faire. Parce que, au fond, jadis, vous saviez, sous l'Ancien Régime, les derniers des familles de l'aristocratie, on ne savait pas quoi en foutre, on les foutait dans les ordres. N'est-ce pas ? Et ça n'a pas changé. Mais maintenant, on les fout dans des boulots inutiles, mais ça coûte une blinde. Et comme les arts, donc il y a des tas de types qui atterrissent dans les médias, qui atterrissent dans le cinéma, qui atterrissent dans les arts plastiques ou prétendus tels, qui sont en fait des fils de bourges ou de grands noms jadis, de gloire, de je ne sais de quoi, mais qui ont périclité, mais qu'on case là-dedans à ne rien foutre. Et ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Et ils ont le temps de répandre leurs affres au nez, au vu, au su de tout le monde, et c'est applaudi par leurs amis dégénérés du même milieu social. Et ce cas, c'est un cas d'école, quoi. Ça, c'est extraordinaire d'avoir à voir, d'une certaine façon. C'est une forme d'humiliation aussi, j'ai l'impression. Je voyais un reportage à la télé, il parlait de la dernière statue d'un artiste à la con. Et alors, c'était quoi la statue? Accrochez-vous bien. Il n'y en avait pas. C'était un marquage au sol, un simple marquage au sol, qui pouvait être transportable, hein, parce qu'évidemment, faut pouvoir quand même vendre le truc. Et en gros, la statue, c'est conceptuel, quoi. C'est, ouais. Voilà, quoi. Donc en gros, il y a la statue sans statue. Mais c'est tellement grotesque que ça en insulte, je vais même pas dire l'intelligence, mais le bon sens des gens. Et j'ai l'impression un peu qu'il y a une forme d'humiliation, dans le sens où voilà, de temps en temps quand même on en parle au prolo, tu sais, voilà, tu vois, prolo, voilà, on vend des marquages au sol, c'est 200 000 boules, on vend des boîtes de conserve appelées merde d'artiste, c'est 50 000 boules, voilà, est-ce que tu vas réagir? Non, bah t'es vraiment un con en fait. Dans le même genre, il y avait le vagin de la reine aussi à Versailles, vous vous rappelez de ça? Oh. Oui. C'était non mais et c'est volontaire, c'est je vous dis, hein, il y a une volonté d'insulter ce qui est grand en fait. C'était à défaut de... en fait la jalousie suscite la haine. C'est vrai, ouais, racialement c'est du ressentiment en fait. Ouais, voilà, c'est plus précis. C'est de la jalousie, c'est de la jalousie qui suscite la haine. Donc ces gens-là, ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre la maîtrise de ces grands artistes des siècles passés, parce que c'est trop de travail, c'est trop de sacrifices, enfin, ils ne peuvent pas approcher ça. Donc ce qu'ils font, ils font des trucs bâclés, ou industrialisés, c'est ils demandent à une entreprise de produire le truc, et ensuite ils posent leur crachat, et ils disent « Ah oui, mais vous avez vu, c'est de la transgression, etc. » Et au nom de la transgression, on fait passer tous les fumistes pour des génies, quoi, enfin les médias du moins. C'est pareil le plug anal, c'est pareil quoi. Le plug anal, en fait, ceux qui ont fait le boulot, c'est l'entreprise qui s'occupait de faire le pneumatique. C'est tout. Le mec en question, il sait. Mais il avait l'entreprise. La dernière saloperie en date, c'est l'emballage de l'Arc de Triomphe. Ça, c'est une saloperie signée Macron. C'est une saloperie signée Macron. On n'en a pas tellement parlé, je pense, à l'époque. Je ne sais plus si on en a parlé. Alors, la farce a duré 15 jours. Ça dure à peu près 15 jours, le truc. 14 millions d'euros! C'est du détournement de fonds maquillé, ok? Il n'y a aucune bâche déployée sur aucun monument qui peut justifier que 14 millions d'euros s'évaporent dans la nature. Rien. C'est-à-dire, ça n'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais ça suffit à faire plaisir à tous ces ordures de l'hyperclasse là, vous voyez, donc parce que l'hyperclasse a ses artistes officiels, vous savez, dans tous les systèmes c'est comme ça. Donc ces artistes officiels sont contents, 14 millions d'euros ils prennent, ils se barrent. Et je me rappelle, c'était c'est pas vieux, c'est quelques mois, hein, Macron arrive au pied de l'Arc de Triomphe, où il y a comme, enfin, les gens oublient ça, mais l'Arc de Triomphe, c'est d'abord et avant tout une sépulture. Il y a un soldat qui est enterré là, il y a un mort, c'est une tombe. C'est pas un lieu de fantaisie. Ben Macron en a fait un lieu de fantaisie, un lieu d'amusement, un lieu festif. Ça coûte 14 millions d'euros aux contribuables. Il arrive au pied du truc, se trouve là l'espèce de tête à claque d'artiste, enfin plus exactement l'assistant de l'artiste en question, la cristaux, là, l'espèce de fumiste, qui est là et dit « Bravo, vous avez eu le courage d'avoir osé ». Non mais d'avoir osé insulter un mort, le principal mort représentant tous les morts qui sont morts sur tous les champs de bataille possibles et imaginables, en tout cas en France, c'est oui, il a eu le courage de nous cracher sur les pompes. À un moment, comme dit Porro, va peut-être falloir qu'on dise non, quoi. Bah, c'est clair, hein, parce que les gamins qui courent au milieu des tombes, c'est pas Yad Vashem, hein. C'est pas le mur de la lamentation qu'on a bâché, hein. C'est toujours pour nous insulter, nous. Hein. C'est toujours dans ce sens-là. Oui, le festif ne s'applique pas à tout le monde. Hein. Il est clair que quand on évoque la Shoah, et on nous le fait sentir, puisque c'est toujours accompagné musicalement, de toute façon. Donc on nous fait sentir qu'il faut pleurer. Et il n'est pas question de fête. Donc c'est très drôle dans cette république festive, même sous François Hollande. Alors je précise d'ailleurs, puisqu'on parle là des commémorations de 2016 pour le centenaire de la bataille de Verdun et les commémorations pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, qui s'est régulièrement transformé d'ailleurs en pic festif, tout ça était mis en scène par Ben Zimet, hein, donc qui est d'origine juive, qui est un socialiste. Hein, donc c'était ce juif-là qui a méthodiquement mis en scène l'humiliation, évidemment, des Français, avec alors surtout le scandale du centenaire de Verdun. Alors on a eu les gamins qui étaient lâchés sur les tombes, ça vous avez bien expliqué ça, et le concert avorté de Black M. Hein. Et ça, c'était un concert de rap qui était prévu à Verdun. Verdun qui depuis a été très largement repeuplé par des métèques de différents continents, bien sûr, et qui subit d'ailleurs ce que subissent beaucoup de villes, en fait, de zones rurales, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le grand emplacement et la drogue qui ravage les derniers blancs qui y vivent, quoi. Donc, Verdun, c'est exactement ça. Donc, ça donne à méditer, vous voyez. Donc, vous avez cette espèce de port de Hollande, absolument débordant de graisse, satisfait de lui-même, donne la main à cette mascarade, très fier de sa petite provocation, parce que ces types, en fait, ressentent, c'est plus fort qu'eux, on retrouve ça chez Macron, ils ont un besoin compulsif d'insulter le petit peuple. Ça, c'est quelque chose qui est absolument central dans leur personnalité. Et pour eux, la meilleure façon de le signifier, c'est en, entre guillemets, transgressant. Ils ont l'impression de transgresser rien, en fait. Ils sont totalement dans la ligne dominante et de son idéologie. Mais ils ont l'impression, au contraire, de sortir des clous. Et en fait, c'est une façon pour eux de se distancer du petit peuple. Alors pour eux, c'est très drôle, ils trouvent ça marrant. Alors ils vous emballent l'Arc de Triomphe. Bon, il se trouve que c'est une sépulture, et on appelle ça en bon français une profanation. En plus, vous payez pour ça. Enfin, Macron décrète que vous payez. Bon, voilà, bon, Hollande, il fait sa petite profanation. On aura probablement un autre président, je ne sais pas lequel, on verra qui ça sera. Bon, on aura le droit à un autre truc. C'est à peu près du même goût. Ça ne peut que être comme ça, je veux dire, voilà. Et ça va de plus en plus loin, parce que, si vous voulez, c'est un peu le phénomène d'entraînement. À partir du moment où le président de la République fait ça, tous les politiciens en herbe veulent singer, mais pour faire pire. Je vous donne un exemple pour illustrer, puis après on passe au sujet suivant, mais c'est me semble-t-il que c'est à Rouen. Alors à Rouen, il y a la statue de Napoléon, statue équestre de Napoléon, très vénérable, qui fait vraiment partie de la ville. Et alors, en fait, le nouveau maire, l'espèce de crapule de gauche, qui posait d'ailleurs un genou par terre, comme une espèce de carpette, lors du délire collectif à propos de George Floyd, là, ce sale nègre, camé, ayant braqué des femmes enceintes, d'ailleurs, rappelons-le, et qui est mort simplement d'overdose, ce que personne n'explique, lui-même qui était cardiaque. Bon, lors de cette phase de délire collectif dans le monde occidental, ce maire de Rouen s'est mis en scène, comme je l'ai dit. Et alors, évidemment, il est très sensible à tout ce que les dégénérés wokistes exigent. Alors, les dégénérés wokistes, je ne sais pas ce que c'est, et tout, bah, c'est la vache là, qui était en train de beugler là, dans la chapelle dont on parlait au début. Et alors, il veut se débarrasser de la statue de Napoléon. Et à la place, il veut mettre un bidule. Il veut mettre un bidule déconstruit, une bouse, qui va encore coûter une fortune, bien sûr. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc temporaire sur ce site-là, qui est une caricature de Napoléon. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une espèce d'artiste aïeux gauchiste qui a posé un truc qui ressemblait à rien, mais c'est temporaire, quoi. Voilà. Ils viennent tous dégueuler. Bon, mais comme le peuple ne dit rien, parce que c'est ça aussi finalement, j'en termine, finalement ce que ça nous enseigne, toutes ces insultes de la part de cette bourgeoisie installée, parce que c'est la bourgeoisie qui s'exprime, toutes ces insultes ne rencontrent pas d'opposition. Et peut-être le truc qui est vraiment nouveau, je trouve, c'est que maintenant la bourgeoisie peut insulter le petit peuple, mais il le fait au nom d'une mystique de gauche. Donc contre les frontières, contre le patriarcat, et blablabla, et pour la tolérance. Et cette bourgeoisie arrogante qui insulte le petit peuple, le fait avec l'aplomb de ceux qui croient en leur domination morale, et comme c'est un argument de gauche pseudo-populaire, bah finalement, le petit peuple n'ose pas répondre. Parce qu'il n'a pas envie de se faire fasciser. Parce que vous savez, quand vous repassez, vous êtes un fasciste et un nazi, quoi. Ça va très vite. Et donc, du coup, ils se taisent, ils ont peur. Parce que les autres, ils ont tous les arguments. Hein. Si vous toussez parce qu'on veut enlever la statue de Napoléon, on vous traite de fasciste, hein, ça va très vite. Hein. Donc, et pareil avec tout. Hein. C'est que quand les gens ont bronché par rapport à l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, bon, bah, ils ont dit, ah oui, bien sûr, évidemment, les fascistes. Voilà. Donc, le petit peuple se fait fermer sa gueule. Donc il se tait et il subit. Donc on subit les crachats de cette bourgeoisie dégénérée et de leur rejeton. Voilà. Oui, dans cette mystique de gauche, très rapidement, il y a beaucoup de laideur, effectivement, de jalousie, de contradiction aussi. Par exemple, Louis Althusser, qui était un des philosophes fameux du marxisme et tout ça, a fini par tuer sa femme et a passé 10 ans en hôpital psychiatrique. Enfin, ou Michel Foucault, qui était homosexuel revendiqué, ou bien Freud, qui était un cocaïnomane. D'ailleurs, cette jeune femme, si elle n'est pas contente d'avoir reçu le viol de son père, finalement, elle devient anti-freudienne, donc d'une certaine manière réactionnaire, puisque Freud avait dit qu'il y avait le complexe d'Oedipe. Donc pour une jeune femme, Elle souhaite en rêve de tuer sa mère pour pouvoir épouser son père, hein, c'est ça le complexe d'Oedipe. Donc finalement, puisque cette jeune femme est anti-freudienne, quelque part elle est un petit peu réactionnaire. Donc, enfin, tout ça pour dire, évidemment je m'amuse, mais tout ça pour dire que, il n'y a que contradiction et mensonge et fausseté dans cette mystique de gauche. Oui, c'est vraiment la bourgeoisie de gauche, mais qui est vraiment soutenue. Sur le cas des migrants, c'est caractéristique. C'est-à-dire que si on a une analyse, entre guillemets, sociale du phénomène migratoire, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ça bénéficie essentiellement au grand patronat, qui l'a pensé et mis en place en France depuis une cinquantaine d'années, et ça a bénéficié aux partis de gauche qui s'en sont servis comme réservoir de vote. Mais une analyse véritablement sociale du phénomène migratoire appelle immédiatement à l'arrêt de l'immigration de masse. Or, grâce à la rhétorique gauchiste et à l'antiracisme, vous pouvez criminaliser les petites gens qui veulent mettre un terme à cette politique complètement folle. Parce qu'ils la subissent au niveau sécuritaire, je veux dire, au niveau culturel, etc. Enfin, c'est un assaut en règle contre ce qu'ils sont, quoi. Mais on peut les faire taire en les traitant de nazis. Je veux dire, ça marche à chaque fois, tu gagnes à chaque fois. C'est vraiment une carte blanche, quoi, pour les puissants du moment. Ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent vous traiter de fasciste. C'est extraordinaire, je trouve. Parce que ce qui est terrible, c'est surtout c'est l'inversion, parce qu'en fait. Ils réussissent à transformer l'abus de pouvoir de la bourgeoisie contre le peuple en acte subversif. Ce qui, par Ouais. définition, est juste l'inverse, en fait. C'est totalement l'inverse. Oui, je voulais d'abord un petit rappel pour ce qui a été dit, c'est que tu as cité Joseph Zimet le Juste. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié, je pense que c'est notre cas à tous, qu'il a été le mari d'une politicienne française nommée Ramayade et qui fut secrétaire d'État, je ne sais quoi encore. Entre 2007 et 2009. Ça, c'est pas grandement important, mais quand même. Tout à l'heure, Zicombich était intervenu. Je crois avoir compris qu'il interprétait le spectacle de Pauline Conti, dont nous parlions au début, là, et comme étant cette bonne femme qui reproche à son père éventuellement de l'inceste ou de l'avoir touché ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était une interprétation. C'est correct, Zygmunt Oui, en substance, c'est ça. Bix? Ok. Pendant ce temps-là, moi, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé, 2 secondes, sur un site qui s'appelle Verdict trait d'union mag, qui s'intéresse à la vie, au cadre juridique, etc., à la vie des tribunaux, et qui rapporte ici une petite chose qui est intéressante. Hein, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui se trouve à la porte de Clichy. Et il parle de cet article des observateurs qui sont là pour assister au théâtre de la vie réelle, en quelque sorte. Et je lis un passage de cet article. Pauline Conforti, âgée de 30 ans, a exposé ses œuvres d'art pendant l'été 2018 à Paris et sur un site web. Dans ses œuvres, elle évoque les relations incestueuses présumées que son père lui aurait fait subir. Ce dernier a alors porté plainte pour diffamation. À 13h30, l'artiste et son père doivent être de nouveau confrontés. Oui, rien Donc, de j'ai très. compris avait vu tout à fait juste. Oui, on est sur le fantasme plus que sur autre chose. En fait, elle reproche à son père de ne pas l'avoir violée, à mon avis. Il faut voir que, au fur et à mesure que le système devient de plus en plus taré, au niveau aussi psychiatrique, il y a des innovations. C'est-à-dire que dans les cas d'inceste, ils sont allés chercher qu'il y avait des cas d'amnésie. Ce qui fait que tu peux être victime d'inceste alors que tu n'as aucun souvenir d'agression. Alors, ce qui permet à tous les tarés, évidemment, et surtout les folles, de s'imaginer avoir été violés par leur père. Ou des gens aussi, des femmes, qui s'imaginent avoir été kidnappées en faisant un jogging dans un bois. Ou n'importe quoi, enfin n'importe quoi que leur imagination névrosée voudra bien leur dire. Bah bien sûr, mais c'est-à-dire le problème, ça c'est les conséquences du phénomène MeToo. Hein. C'est-à-dire que comme on progresse dans, on vit maintenant dans une vaginocratie, c'est officiel, hein, on vit dans une vaginocratie. Toutes ces histoires de viols allégués avec d'illustres inconnus qui deviennent du jour au lendemain des victimes starisées parce qu'elles ont accusé quelqu'un de connu d'être. Ça devient un statut victime aujourd'hui et quelque chose de valorisant. Donc il faut que dans cette société de victimisation collective, hein, alors on est toujours victime d'un homme blanc, hein, il faut comprendre ça, hein, hétérosexuel, toujours. Hein. Donc fatalement, sur sa carte de visite, il faut avoir été victime de quelque chose. Et cette tarée, bah, elle devait être victime de quelque chose. Voilà, donc elle dit, bah, j'ai été violée par mon père. Voilà, alors évidemment, elle a totalement inventé, c'est évident, l'autre n'aurait pas été... il a porté plainte pour diffamation, il a eu raison. En plus, elle est pas artiste, elle est exhibitionniste, c'est pas pareil. Donc, elle est mythomane, exhibitionniste, elle se met en avant, elle raconte absolument n'importe quoi, elle attire l'attention, et elle est heureuse, je veux dire, c'est le phénomène femen. Le truc qui est très frappant, c'est que tu peux pas distinguer une femen d'une pseudo-artiste des beaux-arts parisiens, c'est exactement les mêmes tarés, elles font la même chose, c'est-à-dire que les femen, elles vont dans la cathédrale, elles hurlent, elles ont les seins à l'air... elle bugle contre le patriarcat qui a disparu depuis de belles lurettes d'ailleurs. Et aux Beaux-Arts, c'est pareil. Tu peux les intervertir. Tu peux pas faire la différence. Et sur les plateaux de télé, t'as Caroline Forest qui fait exactement la même chose. Tu peux pas les distinguer en fait. C'est elle qui se donne entre elles des étiquettes escalitées. Toi, t'es artiste, moi, je suis journaliste, toi, t'es quoi? Voilà. Il y a toutes les véritables catégories, elles singent les anciennes catégories, c'est ça que je veux dire. Jadis, il y avait des vrais artistes, mais pour être un véritable artiste, il y a un siècle, il fallait en faire la démonstration. Mais c'était un domaine qui était un domaine masculin, c'était un domaine très essentiellement masculin, où l'excellence devait se manifester, était quantifiable. Là, c'est le domaine de la folie féminine, quoi. Donc, même il y a encore quelques décennies, pour être considéré comme un artiste, même s'il y avait moins de critères techniques, notamment dans les nouvelles formes de musique, les arts qui ont émergé, comme, je sais pas, moi, la bande dessinée, par exemple, il y avait encore un critère sur lequel il n'est pas facile de tricher, c'était d'avoir du succès. Ah oui, évidemment, oui. Mais ça, c'est trop demandé aux femmes. Donc, Ah oui, non, là, mais de toute façon, ils s'en foutent, parce qu'ils ont ce système... d'assistanat étatisé, tu vois, ou... Oui, pas puis d'auto-validation, hein, je veux dire, voilà. Oui, ils s'en foutent, je veux dire, c'est pas un problème, tout est subventionné, de toute façon, on s'en fout qu'il n'y ait pas de... Tu vois, c'est ce que disait Ziklombix à propos de la comédie française. Bon, la comédie française, il y a quand même un niveau, je veux dire, technique. Mais c'est clair que, par le copinage, c'est pareil dans le cinéma français, il y a des tas de bouses qui sortent, tu sais même pas comment, enfin, tu sais pas d'où ils sortent le pognon, quoi. Bah si, c'est simple, il faut connaître, c'est un Berg qui connaît un Stein dont la fille veut faire un film, enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Moi, j'avais des amis qui travaillaient dans le cinéma, ils m'en parlaient, moi je connaissais le milieu audiovisuel déjà, mais j'avais des amis qui étaient techniciens sur les plateaux de télévision, pas les plateaux de télé, les plateaux de cinéma, et je donnerais pas la spécialité d'ailleurs, on en parlait entre nous. On en rigolait. Moi, il s'en ouvrait à moi parce qu'il savait qu'il connaissait mes opinions sur tout ce qui était tout ce qui concernait les juifs. Et il t'explique, il te dit, mais il n'y a pas de cinéma français. T'as une énorme colonie juive. Messieurs, brièvement, le 11 novembre, des femmes sur Instagram, des artistes aussi, hein, des chanteuses, ont décidé de briller. Elles étaient pas contentes de toute l'attention qui était accordée aux soldats français. Hein, morts en 14-18 et à ceux qui ont combattu de manière générale. Et elles ont tenu à le faire savoir avec une magnifique chanson. Je vous propose de l'écouter tout de suite et on se retrouve. Les poilus de la guerre 14 sont tous décédés. Un 11 novembre sans poilus, c'est comme une levrette sans fessier. Alors on s'est dévoué pour honorer nos morts. Ça fait 6 mois qu'on a cessé de s'épiler le castor. Qu'est-ce qu'il faut pas trouver comme prétexte bidon pour se débarrasser de l'injonction à l'épilation? Enterrons le rasoir de guerre, signons l'armistice du poil, pleurons le soldat inconnu sur la place de l'étoile. Mais chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Alors messieurs, 11 novembre, 1,4 million quand même de Français morts dans les tranchées. un nombre considérable de blessés, d'estropiés, marqués à vie, alcoolisme, dépression, suicide, gazage, bien sûr. Et tout ce que cela inspire à ces trois femmes hein, qui veulent se mettre en avant et qui ont un trait en commun. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je pose la question. Elles ont quelque chose en commun. Gardez ça en tête. Et si, elles ont atteint le mur. Oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a un petit détail physique que vous aurez peut-être remarqué, mais on en reparlera après. Enfin, tout ce que ça leur inspire, c'est de parler de leur chatte. Hein. Voilà, hein, c'est voilà, ma chatte est poilue, pas poilue. Moi, j'ai envie d'avoir une chatte poilue. Voilà, il y en a marre de l'injonction à l'épilation. Voilà. 11 novembre, voilà, 4 générations après bah, une guerre hein, qui a été fatale, on va dire, à la France. Hein, je veux dire, la France n'en est pas relevée. Les femmes blanches françaises parlent de leur chatte hein, en ce jour particulier. Qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça? Bah, c'est, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le narcissisme des femmes de tout ramener à leurs histoires de chatte, de poils. Hoffman parlait aussi de à quel point elles étaient vulgaires et de parler de choses absolument dégoûtantes, et voilà. Et elles le font en se mettant en scène pour attirer de l'attention au maximum, et avec le culot en plus de dire ça ne se dit pas. Sous-entendu, nous sommes victimes d'un tabou, nous sommes victimes de censure. Enfin, on marche sur la tête, des pieds, de je sais pas quoi, de on est chez Cinglé-Land. Je veux dire, moi, si une nanette, elle veut savoir ce que c'est qu'un tabou et de la censure, je les invite à l'émission. OK? Elles ont qu'à venir ici. Elles verront ce que c'est que de transgresser des tabous et de subir une censure. Non, mais c'est dingue! Alors, est-ce que quelqu'un a une idée du détail physique dont je parlais? Non? Si. Ah. Il y a une blanche, une brune et une rousse. Autrement dit, ça représente la femme blanche. Il y a ça, mais c'est pas ça, c'est pas le détail. C'est bien observé, cher Fulbert, mais c'est pas ce détail qui m'avait... Elles ont toutes les trois du rouge à lèvres. Et voilà, un rouge à lèvres bien pétant qui signifie quoi? Je suis en chair. Disponibilité sexuelle. Voilà, elles sont en mais ovulation. Le rouge des lèvres. Voilà, le rouge des lèvres super, donc de la bouche. Avec le rouge à lèvres est censé psychologiquement, je pense. Aux lèvres inférieures. Voilà, en état donc d'excitation. Tout à fait. Il fallait le relever, ça, et moi, c'est ce que j'ai relevé. Donc, en fait, c'est trois putains qui sont en chaleur. Hein, voilà. Et elles nous le disent, hein, elles nous le hurlent, et elles nous le disent sur Instagram. Les réseaux sociaux, les femmes, ça, c'est une rupture importante dans l'équilibre social. Sujet très peu abordé, à mon sens. Parce que maintenant, en fait, les putains peuvent se comporter comme des putains, au sens culturel du terme, je dis bien culturel du terme, hein, être validés par des milliers et des milliers de gens, et en retirer une satisfaction personnelle. C'est-à-dire que ce qu'elles font tire vers le bas l'ordre social, et elles sont gratifiées pour le faire, parce qu'elles recherchent de l'attention, ces putes. Et ça n'a pas loupé. Quand elles ne sont pas en plus... Quand elles ne sont pas en plus grassement rémunérées. Ah bah elles le sont, puisque elles, ce sont des chanteuses. J'ai découvert, c'est pas juste des copines qui font un truc. Ce sont des artistes, entre guillemets, qui se produisent dans un je sais plus quoi, un théâtre, un machin, et c'est encore subventionné. On est dans le même univers. Hein. C'est des bourgeoises qui se font chier dans la vie, qui sont payées à parler de leur chatte, et qui s'exhibent comme ça, voilà. Et donc elles tirent tout vers le bas, et le 11 novembre, où c'est un sujet, vous voyez, où les hommes ne parlent pas de leur bite, hein. Parce que le 11 novembre, les hommes ne parlent pas de leur bite, autant que je sache. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qui vient à l'idée des hommes. Les femmes parlent de leur chatte. Et de l'épilation, en plus. L'injonction à l'épilation. C'est quand même fort, quoi. Comme si c'était les hommes qui avaient exigé que les femmes s'épilent. C'est les femmes qui ont voulu s'épiler. Ce qui est terrible, c'est cette inversion accusatoire d'accuser les hommes de parler tout le temps de leur bite, ce qui est faux. Et même quand on en parle, généralement, c'est pour faire des blagues, en fait. On ne se prend pas au sérieux. Je n'ai jamais vu d'homme monter sur une scène de théâtre pour faire les monologues de ma bite ou le dialogue de mes couilles. Ouais. C'est terrible de les voir arriver là et de parler de leurs histoires de chatte, de clito, de vagin, de poils, mais avec un sérieux. Mais avec un sérieux. Oh là là là là. Mais quelle farce. Ouais, c'est plutôt que terrible, je dirais que c'est juste tout à fait à l'image de ce qu'apportent globalement les femmes au niveau de la civilisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on leur demande d'être des nos compagnes, bien entendu, de nous permettre de reproduire l'espèce humaine, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que en même temps, elles combattent ça, parce qu'elles refusent d'être des vaches pondeuses ou des poules pondeuses, mais en même temps, à chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, c'est juste pour les ramener, se ramener elles-mêmes à ce qu'elles sont profondément. Oui. Vous voyez ? Et là où nous, là tout à l'heure, je me lamentais, par exemple, la destruction de l'art de l'homme blanc, la civilisation, la beauté de l'architecture qu'on a réussi à créer, elles vont tout ramener à leur chatte et tout bousiller. Et là, en fait, tu laisses la tribune, la parole à une femme, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Comme tu disais, Gandalf, elle va tirer tout l'ordre social vers le bas, tout simplement en faisant quoi ? En étant ce qu'elles sont. Et bref. Les talibans, vite. Et pourquoi ça se passe le 11 novembre ? C'est parce que le 11 novembre, alors c'est intéressant le 11 novembre. Parce qu'en fait, ces commémorations, plus le temps passe, surtout dans cette société vaginocratique et vaginocentrée, en fait, plus on s'en éloigne, plus le kidam, surtout les jeunes, ne peuvent plus comprendre de quoi on parle, en fait. Je parle pas de l'expérience de la guerre, puisque par définition, ceux qui l'ont pas faite peuvent pas la comprendre, mais une civilisation où les hommes remplissent leur fonction d'homme et sont des guerriers et meurent en défendant les frontières, on est éminemment dans une société patriarcale. Donc 14-18, quand on parle des guerriers de 14-18, des soldats de 14-18, c'est, je veux dire, au niveau le plus fondamental, c'est la fonction essentielle de l'homme à travers l'histoire. Et tout le projet de cette société judéo-féministe, donc j'insiste bien sur ces deux dimensions, c'est d'effacer l'homme blanc de l'équation, hein, ça c'est très clair. Et du coup, toutes ces fonctions masculines doivent être effacées. Et là, on arrive à un moment où il faut faire disparaître ces visages. Ces visages, notez, on les appelle les poilus. Poilus, ils ont des grosses moustaches de guerriers celtes, là, si vous regardez sur les photos. Là, je veux dire, prenez les guerriers de Vercingétorix, prenez les guerriers de Verdun, c'est les mêmes. Hein. Il y a deux millénaires qui sont passés, mais c'est les mêmes. Hein. Anthropologiquement, c'est les mêmes hommes. Hein. Vous les voyez sur la gueule. Hein. Et ça, il faut que ça disparaisse. Il faut qu'on ait des métrosexuels, des tantouses, des demi-pédés. Voilà, c'est ça le nouvel archétype, c'est le mâle bêta domestiqué par une femelle alpha. Donc il n'y a pas simplement le fait que ces trois pétasses ne supportent pas en fait de se faire invisibiliser pendant une seule journée où on va parler d'hommes qui remplissent une fonction d'homme. Il y a aussi une vraie entreprise de destruction par la dérision. Donc quand elle compare ce moment absolument apocalyptique qu'est la Première Guerre mondiale et les sacrifices absolument hallucinants qui ont été consentis par des petits Français, parce que souvent c'est des paysans ou des ouvriers, hein, qui sont essentiellement des paysans, mais aussi des ouvriers ou des petits employés, qui sont morts au front sans rien en retour, hein, rien du tout. Hein. Eux, ils ont donné des choses gratuitement, c'est-à-dire ils ont donné leur vie gratuitement dans l'espoir. Alors, il faudra revenir sur les causes de la guerre, ça, je ne vais pas idéaliser, mais je veux dire, de leur point de vue du petit Français, il donne sa vie dans l'espoir de sauver sa famille, ses proches, son village. C'est ça qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Et lui, il le fait gratuitement. Et là, les pétasses, comme vous les voyez se mettre en scène, c'est complètement auto-centré. Il n'y a pas de gratuité dans ce que font ces trois pétasses. Elles parlent d'elles, de leur chatte. Elles sont au centre de tout. Il n'y a pas de monde en dehors d'elles. Vous voyez, c'est ce solipsisme féminin qui est absolument frappant. Donc d'un côté, vous avez les guerriers de Verdun qui représentent l'abnégation absolue, propre aux hommes qui se sacrifient, qui meurent au front, et de l'autre côté, le solipsisme féminin, d'ailleurs, qui fait écho au solipsisme juif, hein, pour lesquels il n'y a rien en dehors de leur petit monde. Vous voyez ? Et c'est ça qui les fait absolument rager, quoi. C'est, On parle encore d'hommes en 2021 qui remplissent des fonctions d'hommes, c'est insupportable. Moi, je veux pouvoir parler de ma chatte qui n'est pas épilée. Vous voyez ? On en est là. Et on pourrait se dire, non, mais pourquoi grossir le trait en parlant de trois nanas sur Instagram ? C'est beaucoup plus représentatif qu'on ne croit. C'est beaucoup plus représentatif qu'on ne croit. Et plus on s'éloignera de la guerre et de l'anthropologie masculine qui a été en mouvement en 14-18, plus on va se débarrasser de 14-18 et au bout d'un moment, on va carrément évacuer ça. On va dire, parce que si on va au bout de la logique actuelle, hein, de cette volonté de tout détruire, en fait. Alors certains appellent ça le wokisme, d'autres la déconstruction, etc., ou l'anomie généralisée, le nihilisme, peu importe. Si on va au bout de la logique de ces gens-là, de toute façon, ça va se terminer par le 11 novembre est une fête qui célèbre le fascisme et le suprémacisme blanc. Et bien évidemment le masculinisme. Ça ne peut que se terminer comme ça. Il faudra effacer le visage de ces guerriers. Voilà. Il ne peut pas y avoir... Et vous n'avez qu'à regarder. Il y a Aurélien Taché, vous savez, là, ce député, ex-député macroniste. Alors, qu'on appelle islamo-gauchiste, mais à juste raison dans son cas, donc qui est quelqu'un qui ne parle que des bougnoules. Enfin, il n'a qu'un sujet, c'est les bougnoules. Lui, il ne parle que des bougnoules. C'est la carpette blanche à bougnoules qui s'assume, qui se revendique. Il passe à la télévision et il dit « Non, mais mourir pour la France, donc évidemment dans le cadre du 11 novembre, si c'est pour défendre un truc grégaire territorial, ça ne m'intéresse pas, je préfère les idéaux. » Voyez. Bon, évidemment, des idéaux à lui, c'est-à-dire, bon, à terme, l'islam, hein, en étant passé par la sodomie, bien évidemment. Bon. Ça, c'est frappant. C'est-à-dire que le type n'a plus aucune volonté, c'est une espèce d'ectoplasme, comme ça, qui est prêt à vendre son pays pour une poignée de lentilles à des bicots, quoi, voilà. C'est vers ça qu'on va. Et Aurélien Taché est en avance sur son temps. Je le dis bien, il est en avance sur son temps. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Donc les 1,4 million de Français morts dans les tranchées, dans les conditions les plus atroces, on est à quelques années, quand les boomers seront morts, parce que les boomers, ils portent comme c'est les petits-fils des poilus, ils tiennent encore un peu à ces trucs-là. Bon, mais quand ils seront canés, et que la France sera pour moitié afro-bougnoulisée, avec des pétasses blanches libres de faire ce qu'elles veulent, alors là, je peux vous dire que ça va être liquidé. Hein. Ça va aller très très vite. Hein. Ça va aller très très vite. Et les 1,4 million de Français, là, ils se font traiter de salauds. Hein. Ça, c'est ce qui nous attend. Dans la même veine, ils commencent à égratigner la figure de Napoléon. C'est pareil. Alors, Napoléon, c'est ce que je disais avec le maire de Rouen, là. Hein. Ils sont en train de l'ébouer. Alors, lui, tu disais, il commence... En fait, c'est déjà réglé, Napoléon. Hein. Pareil, c'est une question de temps, c'est une question démographique, une question... Quand les boomers sont disparus, bon, il n'y aura plus de statut Napoléon, ça sera celui qui a rétabli l'esclavage, ça sera terminé, ça sera réglé. Donc ça, je dirais que c'est une question d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années, à peu près. 15 au maximum. Mais c'est une bonne chose, hein. Au moins ça va éclaircir les lignes. Et puis au final, ils font que de scier la branche à laquelle ils tiennent, hein, parce que bon, je veux dire, qui est-ce qui vient leur sauver le cul quand ils partent, justement, là, comme ce mec disait, oui, moi je préfère l'idéologie. Bah, quand ils partent en couille avec leur idéologie et qu'ils font n'importe quoi, et que la République menace de se faire, de se casser la gueule, qui est-ce qui va leur sauver leur cul? Bah, c'est les Napoléons, c'est les Pétains, c'est les De Gaulle. Mais s'ils commencent à cracher sur ces mecs-là, bah, la prochaine fois que ça pète, bah, il y aura peut-être plus de Napoléon, de Pétain, de De Gaulle pour venir sauver la boutique. Ce sera peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être enfin la bonne. Bah tant mieux. Bah tant mieux. J'aimerais poser une question. Bonjour à tous, je m'excuse pour mon retard. Je voudrais, parce qu'en fait, Perrault se réjouit de la situation, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Parce qu'apparemment, c'est devenu OK donc, de se moquer des morts. Hein. Voilà, c'est tout à fait courant. Ces pétasses se plaignent de censure, alors que leur clip de merde est toujours dispo sur Instagram. Il n'a pas été censuré. Puisque l'article termine comme ça, moi je propose d'aller plus loin, faut se moquer des morts, et je propose de commencer par une comédie musicale sur Auschwitz, voilà, et puis elles verront ce que c'est peut-être la censure. Bon, là c'est par contre, c'est des faux morts, donc je sais pas si ça passe, mais à mon avis, il y a la jurisprudence du donné, voilà, qui va faire autorité. Hein. Zyklombix, tu avais une question à poser, moi je suis très curieux de l'entendre. Oui, alors, puisqu'Aurélien Taché parle de mourir pour des idéaux, peut-on dire que Richard Descoings est mort pour ses idéaux? Est-ce que tu as une piste de réflexion pour nous là-dessus? Puisqu'effectivement, on ne peut plus mourir pour un territoire, une patrie, qu'il s'agit de mourir pour ses fantasmes, eh bien, je pose la question, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un retrouvé mort, menotté, bourré de cocaïne, le cul à l'air dans une chambre d'hôtel, peut-on dire que lui est allé jusqu'au bout de ses idéaux et donc, en cela, il est le patriote de demain? Les poilus sont morts sur le front et lui, il est mort sur le cul. Est-ce qu'il y a un lien? Alors je sais pas s'il allait au bout de ses idéaux, en tout cas je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est allé au fond de son cul, quoi. Dans le même genre, mais dans le même genre. Désolé, c'était la blague niveau féministe du jour. Hein. Dans le même genre un peu décalé, j'ai vu, c'était aux États-Unis, c'est un gars qui a posé une question très pertinente. Il disait, alors puisque le... Vous savez, maintenant dans la phraséologie de gauche, sous l'effet du féminisme, hein, on peut plus dire prostituée ou putain. Il faut dire travailleuse du sexe. D'accord. Et alors il disait, bon bah puisque le sexe est un travail, est-ce qu'un patron est en droit de demander à une femme, parmi les critères professionnels, de le sucer, si c'est un travail? Très bon ça, très bon. Bah oui, non, mais c'est vrai, je veux dire, si la prostitution est un travail, est-ce que tu peux faire rentrer dans les critères de recrutement le fait pour le patron de se faire sucer par une candidate, oui ou non? Je crois que Patrick Bruel a répondu à la question. Hein. Je veux dire, non, mais tu peux. Bon, bref, je dévie un peu, mais voilà. Alors, pour ce qui est de Richard Descoings, je ne sais pas. Ta question est posée, ça mérite. Ce que disait Poro, et qui était pertinent, en disant il y a un mec qui vient pour sauver la boutique, c'est qu'en fait, c'est très marrant de cette dégénérescence typique des adeptes de Platon et de sa République. Alors, adeptes lointains, évidemment, hein, bien sûr, mais c'est tout de même ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ils disent, oui, les idéaux, oui, mais en pratique, les idéaux, ils s'incarnent quelque part. Donc, même leur République à laquelle ils tiennent tant, elle est bien située quelque part. D'accord ? Elle a bien un siège du gouvernement. Elle a bien une bureaucratie. Donc si elle est prise d'assaut par des puissances extérieures, cette république, elle n'est pas si éthérée que ça. Il faut bien qu'elle déploie des forces pour se protéger. Donc notre Aurélien Taché, là, si on le met au pouvoir demain, est-ce qu'il va être territorial et grégaire si jamais des gens très déterminés décident de venir aux assauts de ses frontières pour le déloger? Est-ce qu'il va dire, les gars, non, les idéaux d'abord, on n'utilise pas la force? Ou est-ce qu'au contraire, cette espèce de salope va appeler en tremblant, comment dirais-je, l'armée pour aller protéger les frontières françaises? Bon, la réponse est déjà écrite. Donc vous voyez, ce sont des gens qui créent de fausses distinctions, de fausses dichotomies. Bon, ouais, on est habitué avec les sophistes, mais bon. Je ne supporte pas ces gens. Moi, je trouve qu'il y a une vraie dichotomie hein, entre la France et la République. Je crois qu'il a raison. En vérité, la République, c'est un idéal. Franchement, faut les prendre au mot. C'est un idéal universel. Le fait que c'est apparu dans le monde blanc, d'abord chez les anciens Grecs, et puis en France, durant la période moderne, quelque part, c'est un accident. On ne sait pas pourquoi. C'est arrivé là, mais ça aurait pu arriver ailleurs. Et finalement, pourquoi il n'irait pas faire République, je ne sais pas, moi, en Afrique ou en Amérique du Sud, ou je ne sais pas, quelque part dans le désert australien. Hein. Puis nous, on garde la France, le territoire géographique, et eux, ils vont aller faire République ailleurs. Voilà, moi, je propose. Oui, surtout que cette République, finalement, on peut la rebaptiser zone de confort des élites mondialisées. Oui, et puis on verra comment ça marche. Quand on ne peut plus utiliser le sang et qu'on ne peut plus jouer de la confusion entre la République et la France. Alors, quand il n'y a plus de Français concrets, réels, pour mourir pour eux, comment ils s'en sortent avec leur utopie, leur idéal? À mon avis, ça ne va pas faire long feu. Ça, c'est une très bonne question. Là. Il faut bien comprendre que les mecs de 14-18, ils ne sont pas morts pour la République. Ils sont morts pour la France. Mais quelque part, ils se sont fait avoir, ils se sont fait baiser. Oui, c'est ça. En écho au 11 novembre, là, y a quand même une petite méditation à avoir. C'est maintenant qu'ils ont repeuplé la France avec tout le tiers-monde, là, en nous disant non, mais c'est des Français comme vous et moi, ils sont citoyens comme voilà, etc. etc. Ça implique que ces gens-là pourraient consentir au même sacrifice hein, que les que tous ces jeunes. Que tous ces jeunes paysans, etc., qui ont été appelés au pied levé pour aller se jeter aux frontières et mourir par centaines de milliers. Ça suppose hein, qu'ils soient prêts au même sacrifice. Moi, j'aimerais voir un moment de crise très important où la République française doive faire appel à tous ces petits protégés-là. Moi, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir ce qui se passerait. Bon, je sais déjà ce qui se passerait, mais j'aimerais voir. J'aimerais le voir. On sait déjà, oui. Regarde dans les vidéos, souvent qui sont les micro-trottoirs réalisés par des négrillons en France. Là. Le mec, t'en as un qui est assez connu, qui pose des questions à tout va, à tout le, aux gens. Il demande, alors toi, si demain il y a la France, tu fais quoi? La plupart, 80% de ces gens-là, ils disent, attends, ça dépend avec qui, mais moi si la France allait en guerre, je me casse, et a fortiori qui c'est un pays d'Afrique. Marocain, t'es marocain. Imagine demain la France rentre en guerre. Ouais. Et ça devient au sol. Est-ce que tu prends les armes, tu défends ou tu retournes au Maroc? Mais franchement, je peux pas défendre ce pays-là. j'ai fait du placard. Tout ce qui goût amer. Voilà, c'est ça. Donc tu peux c'est pas, ça. Je défendrai pas la France. Si demain la France est en guerre, on rentre en guerre avec peu importe le pays d'Europe, que ce soit l'Angleterre, la Suisse ou l'Allemagne ou le Danemark, est-ce que tu prends les armes pour te défendre, ou est-ce que tu fuis ou tu retournes au pays? La France, il rentre en guerre à une nation européenne. Bien sûr. Et moi, je prends l'armée, je vais défendre quoi? Tu vas défendre le sol où tu vis, tu vis ici ou pas? Je vis en France, mais je défends pas le sol français. Pourquoi je vais défendre? Si demain, la France rentre en guerre, on est d'accord? Elle rentre en guerre, ça devient au sol. Est-ce que tu prends les armes, tu défends ou tu retournes au bled? Franchement, je te dis la vérité. La vérité, je retourne au bled. Je retourne au bled parce que nous, les Renois, tu vois... Ici, on n'est pas assez considéré. Mm-hmm. Et c'est bizarre. En fait, on n'a pas l'impression d'être à notre place un petit peu ici, tu vois. T'as pas l'impression d'être français? Ouais. Si, je suis français. Franchement, je suis français. J'ai un bon travail, tout ce qu'il faut. Mm-hmm. Mais français, on va dire ce que c'est. C'est quelqu'un de blanc. Quelqu'un qui a la peau blanche. Mm-hmm. Moi, je suis noir. Mes origines, elles sont africaines. Mm-hmm. Mes parents, ils sont africains. Hein. Ils sont venus ici parce qu'ils voulaient nous sortir un petit peu de ce qu'ils ont vécu, etc. Mm-hmm. Moi, je suis né ici, tu vois. Mais malgré ça... Tu n'as pas l'impression d'être considéré. Malgré ça, franchement, je me sens plus africain que français. Et sur les vingtaines, trentaines d'Arabes ou de Nègres qui ont été interrogés, tu en as eu, je crois, un ou deux maximum qui ont dit « Ah, moi, c'est mon pays, je reste. » Alors, bon, c'est gentil, mais on n'a pas envie que tu restes. Donc, voilà, mais il ouais, y a une chose, il reste, d'accord, mais est-ce qu'il se bat? C'est pas pareil, hein, je veux dire. Il tire de quel côté? C'est ça la question. Oui, c'est la fameuse question. Non, personnellement, je connais des gens qui ne sont pas blancs, qui sont très patriotes et qui se battraient sans aucun problème pour la France. Mais la question n'est pas là, bien entendu. C'est pas pour les 1000 ou 10 000 comme ça qu'on va tirer des exceptions de type. Puis de toute façon. Même une France remplie de tirailleurs sénégalais qui aiment la France, c'est toujours pas la France, donc bon. Sur 14-18, quand même, brièvement, je voulais recommander quelques ouvrages, parce que, il y a la lecture de 14-18 comme conflit mondial, parce que je me distancie aussi un petit peu, là, de... Parce que moi, je suis pas dans le tricolore, hein, machin, bon, ça, c'est pas mon truc, parce que je veux pas non plus tomber dans le penchant inverse, qui est de glorifier 14-18. Alors, je parle pas des soldats, hein. Je parle de la guerre en tant que telle. Les causes de la guerre, pourquoi la France est rentrée dans cette guerre, et de justifier en fait l'entrée en guerre. Donc je distingue nettement, si vous voulez, de la vie des hommes qui ont fait la guerre, ce qui est différent. Moi j'ai mes arrière-grands-parents qui ont fait la guerre de 14-18, enfin, je pense que c'est à peu près le cas de tout le monde ici par la force des choses. Ouais, c'est de côté, moi. Bah voilà, pareil. Bon, voilà, mes deux arrière-grands-pères ont fait la guerre de 14-18. Enfin, j'en connais deux, quoi. Mes deux arrière-grands-parents ont fait 14-18, voilà. Ils ont fait il y en a un qui a fait toutes les grandes batailles, voilà. Il a réussi à sortir en un seul morceau, miraculeusement. Et donc c'est pas ça, mais c'est les causes profondes de la guerre. Et malheureusement, elles sont, elles, pour une raison évidente, hein, je veux dire, l'état profond qui est né avant la Première Guerre mondiale et qui a déclenché la Première Guerre mondiale et qui est encore aujourd'hui à la manœuvre parce que tout ce qu'on vit avec le Covid, c'est la même élite, évidemment, escamote l'étude des véritables causes de la Première Guerre mondiale. Et vous le retrouvez encore aujourd'hui. Alors, je ne parle même pas des manuels scolaires, mais même quand vous allez dans les commerces, je pense que les hommes aiment bien faire ça, dans les librairies ou même dans les grandes surfaces, on s'arrête souvent dans le rayon bouquins. Et parfois, quand ils parlent un peu des trucs sur la Première Guerre mondiale, alors on vous donne tous les détails hein, sur les modes de vie des guerriers, enfin, les conditions très dures, etc., mais jamais les causes profondes du conflit. Jamais. Au mieux, vous avez un peu de géopolitique, mais de comptoir. Hein. Voilà, il y a des rivalités, etc., mais vous n'en savez pas beaucoup plus. Alors moi, j'ai deux auteurs que je recommande, vite fait. Alors, c'est des auteurs irlandais, c'est très intéressant. C'est Gary Doherty, et Jim McGregor, d'accord ? Et ils ont écrit deux bouquins absolument centraux là-dessus. C'est Hidden History, donc Histoire cachée, l'histoire secrète de la Première Guerre mondiale. Alors, ce premier volume, en fait, il est vraiment très, très intéressant, puisque pour la première fois, ces gens-là ont eu accès aux archives personnelles de quelques grands oligarques américains. Vous voyez, c'est ces grandes familles qui gouvernent en fait la politique américaine depuis plus d'un siècle. Par un hasard assez intéressant d'ailleurs, il a eu accès à ses archives privées, donc qui n'avaient jamais été ouvertes, personne n'avait jamais eu accès. Et c'est là qu'on découvre comment les États-Unis, en fait, enfin l'oligarchie américaine, très très tôt, dès la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, décide d'entrer dans un très grand programme d'expansion mondiale et entre en contact avec l'oligarchie britannique, avec laquelle par ailleurs elle est en compétition. C'est intéressant parce qu'en fait l'oligarchie américaine veut remplacer l'oligarchie britannique au plan mondial, veut damer le pion à l'Empire britannique, mais en même temps l'Empire britannique, qui se sent menacé par la possibilité d'une Allemagne à la tête de l'Europe, décide de se rapprocher de sa concurrente américaine. Et grâce à ces archives secrètes, on va découvrir comment la Première Guerre mondiale se met en place, en fait. Et ça n'est pas décidé à Paris, c'est pas décidé à Moscou, c'est même pas décidé à Berlin, c'est bien décidé à Londres et de l'autre côté de l'Atlantique. Et un truc très intéressant, parce que ça va expliquer aussi la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques, un homme qui va jouer un grand rôle, c'est Cecil Rhodes, hein, qui va jouer un très grand rôle là-dedans, c'est la guerre des bourgs entre les Britanniques et les néerlandophones en Afrique du Sud. Donc les Britanniques veulent mettre la main sur les territoires où sont présents des néerlandophones, parce qu'il y a des mines de diamants, etc. Bon, il y a toute une série de choses. Et en fait, ils vont mener une guerre, mais dans des circonstances telles que ça va se retourner contre eux. Parce que c'est les Britanniques qui ont créé les premiers camps de concentration. Les gens l'oublient un peu trop vite. Le concept de camp de concentration a été créé par les Britanniques. Ils vont y mettre les enfants bourgs et les faire mourir de faim dans ces camps de concentration. Ça va se voir, ça va être discuté dans la presse internationale, et les Britanniques vont être extrêmement critiqués par la façon dont ils ont conduit la guerre contre les bourgs. Et là, ils vont faire un travail, donc cette grande oligarchie-là va faire un travail critique sur leur conduite de la guerre. Ils vont dire, on s'est complètement planté, on n'a pas intégré la dimension médiatique du conflit. C'est-à-dire qu'on a fait la guerre à l'ancienne, on a écrasé l'ennemi, et à aucun moment on s'est posé la question de l'image qu'on renvoyait en dehors de nos frontières. Et là, ils vont dire, la propagande joue un rôle très important. Donc, là, ils vont commencer. Et en fait, en analysant les réactions dans la presse internationale, ils vont se dire, mais en fait, nous qui avons commis des crimes contre les populations et les réactions que ça suscitait, si on parvenait à utiliser cette ficelle dans un conflit futur, ça serait redoutable. C'est-à-dire que si on arrivait à accuser la partie adverse de commettre des crimes de guerre et de nous présenter, nous, comme ceux qui allons sauver les populations civiles de ces crimes de guerre, ça serait une arme redoutable en termes de propagande. Donc ils vont analyser leurs erreurs, en retirer les conclusions, monter des services de propagande, très efficacement d'ailleurs, et ils vont par ailleurs préparer la guerre contre l'Allemagne. Parce qu'en fait, dès le début des années 1900, la décision est prise, l'Allemagne doit être détruite. Donc c'est décidé entre des gens comme Cecil Rhodes et d'autres aux États-Unis. Bon, il y a évidemment les Rockefeller, toute une série de gens comme ça. Donc la décision est prise. Et il ne faut pas que cette guerre offensive anglo-américaine contre l'Allemagne ait l'air d'être une guerre offensive. Il faut que ce soit une guerre défensive dite plus tard du droit. Et c'est ensuite plus tard, et c'est grâce à ces deux historiens qu'on le comprend parfaitement bien, pourquoi on va dire qu'ils commettent des crimes de guerre, qui coupent les mains des enfants, etc. Ça, c'est le résultat du travail d'analyse des services de propagande alliés une quinzaine d'années plus tôt. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, et ces deux historiens le démontrent formidablement. Ils montrent aussi la marche à la guerre, comment, en fait, avec Poincaré et un ministre très influent en Russie, ils ont... réussi à précipiter la France et la Russie dans la guerre. D'accord ? Donc il y a eu un travail de corruption active, en fait, des élites françaises, de certaines élites françaises pour obtenir la guerre, alors que Wilhelm, Guillaume II, essayait de ne pas avoir la Russie dans le conflit. Tous ces efforts vont être sabotés, ça se passera au niveau de la Douma, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Alors, le deuxième bouquin, c'est aussi spectaculaire. Ça s'appelle, alors que je vous donne les sources, hein, ça s'appelle en anglais Prolonging the Agony, prolonger l'agonie, comment l'établissement anglo-américain a délibérément étendu la Première Guerre mondiale de 3 ans et demi. Alors ça, c'est absolument frappant, c'est-à-dire que dès la fin des opérations de mouvement, fin 14, début 15, un consensus émerge dans les différents états-majors continentaux, chez les Français, chez les Russes, chez les Allemands, chez les Austro-Hongrois, que voilà, il ne va pas y avoir de grande décision qui va être prise. Voilà, donc c'est un échec, en fait, et que le conflit ne peut que s'étendre indéfiniment dans une guerre d'anéantissement mutuel dont il ne ressortira pas les grandes retombées que les différentes parties escomptaient au début du conflit. Donc finalement, assez vite, il y a déjà l'idée de trouver une paix négociée. Et dans ce deuxième bouquin, ils expliquent comment, par un jeu extrêmement cynique, ces grands oligarques dont j'ai parlé vont convaincre les Français et les Russes de se saigner à mort dans ce conflit contre l'Allemagne et les Autrichiens, alors que la raison encourageait tous ces États à une paix négociée, les encourager pour mieux tous les écraser, peu importe leur camp. C'est-à-dire que le but des Anglais et des Américains était, bien sûr, de détruire l'Allemagne, dont ils redoutaient la capacité à unifier l'Europe face à leur ambition hégémonique, mais dans le processus, de s'assurer que les autres États soient également anéantis. Donc, c'était une alliance, si vous voulez, qui ressemblait à la corde qui soutient le pendu. Et ça, c'est très bien expliqué aussi dans ce bouquin. Donc, j'en recommande la lecture. C'est en anglais, donc il faut, faut lire l'anglais. Mais là, vous allez comprendre véritablement le sens de la Première Guerre mondiale qui conditionne la deuxième. Qui conditionne évidemment la deuxième. Et alors, au niveau de la façon de criminaliser l'ennemi, donc j'ai parlé de ça, hein, j'ai parlé des mains coupées, vous savez, en Belgique, en 14, eh bien, ça va devenir paroxystique avec le deuxième conflit mondial, qui est une sorte de réédition du premier, avec l'histoire des chambres à gaz, qui est une imposture de la propagande de guerre alliée pour criminaliser, l'Allemagne, et les responsables de la propagande diront d'ailleurs, comparons ça d'ailleurs au fait de tondre la pelouse. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit, hein, on va tellement laver le cerveau des Allemands avec notre propagande de guerre qu'à la fin, ils se haïront eux-mêmes et n'oseront plus le moindre acte de rébellion contre notre domination. Hein. Donc, il faut bien comprendre à qui on a affaire, et tout ça commence avec la guerre des bourgs, ensuite la Première Guerre mondiale, Et on ne peut pas comprendre la Deuxième Guerre mondiale sans comprendre la Première et ce qui s'est passé un petit peu avant. Et par la suite, dans tous les conflits successifs que va mener cet établissement anglo-américain, donc l'État profond anglo-américain, tout ce qu'ils vont mener suivra systématiquement le même schéma. Tous les États qu'ils ont agressés ont été accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Absolument tous, sans exception aucune. C'est vrai pour Milosevic en Serbie, pour Saddam Hussein en Irak, Muammar Kadhafi qui tue son peuple, vous connaissez la chanson. Même Gbagbo avait été accusé d'avoir assassiné son peuple, etc., etc., etc. C'est toujours le même schéma. C'est une stratégie qui maintenant a 120 ans. Et les racines sont là, donc ça mérite d'être étudié. Et c'est pour ça que s'intéresser à la Première Guerre mondiale permet de comprendre absolument tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est le même système, ce sont les mêmes élites, c'est la même méthodologie. Et on le voit maintenant se déployer contre la Chine. Et qu'est-ce que vous voyez se passer en ce moment contre la Chine? Ah, crimes de guerre, génocide, les Ouïghours. Voilà, ça ne s'arrête pas, c'est toujours la même chose. Et il est entendu, bien évidemment, que jamais les Américains, jamais les Anglais ne commettent de crimes de guerre, hein, parce que, bien évidemment, ce sont des démocrates. Donc, ils sont saufs. Ni d'ailleurs les Israéliens, hein, tout va bien. Voilà, bon, ils parquent des millions d'Arabes dans des camps de concentration, ils les vaporisent à coups de phosphore blanc. Mais il n'y a pas de crimes de guerre, c'est une démocratie, tout est en ordre. On peut lancer des bombes atomiques sur des civils, ça va. Oui, c'est la démocratie. Mais ça, c'est important à comprendre, et je voulais en parler là, maintenant, donc j'ai donné les deux sources, j'invite nos auditeurs à s'y référer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, ou on peut poursuivre? Comme je vais bientôt partir, j'ai une obligation, je suis désolé, j'aimerais juste ajouter un petit truc à ton excellent passage. Comme je suis souvent confronté à des normies sur le thème de la Première Guerre mondiale, et s'il arrive à nos auditeurs aussi de l'être, distinguer toujours très bien entre ce que certains appellent l'histoire contingente et l'histoire nécessaire, ou entre les causes et le déclencheur. C'est-à-dire que bien sûr que l'histoire officielle racontant la sorte de mécanisme infernal qui se met en place à partir de l'attentat de Sarajevo, bien sûr que tous ces événements revêtent une part de réalité. Et il ne s'agit pas de nier qu'ils n'ont pas eu un rôle dans le déclenchement de la guerre. Mais tout ce que vient de vous expliquer Gandalf concernant les causes est beaucoup plus profond et explique pourquoi, même s'il n'y avait pas eu cet attentat, eh bien de toute manière, 6 mois, 8 mois, 1 an, peu de temps plus tard, la guerre aurait de toute manière éclaté. Et pour rester juste sur cette métonymie, les pourparlers de paix ont commencé dès l'échec effectivement de la guerre de mouvement, et s'ils n'ont jamais obtenu gain de cause, on vous explique dans l'histoire officielle que les méchants généraux sortaient des plans sur la comète, donnant l'impression que la guerre pouvait enfin être gagnée sur le fil du rasoir. Oui, mais pour que cet espoir rencontre l'aval des politiques, il fallait que les politiques aient le sentiment qu'ils allaient être soutenus. Et soutenus par qui, notamment en Europe? Par ces mêmes oligarchies anglo-saxonnes. On distinguait vraiment toujours, quand vous avez affaire aux normies, entre l'histoire officielle qui ne s'intéresse qu'aux déclencheurs et ce que vous appelleriez les causes profondes, en respectant bien sûr le point de vue du normie qui jamais n'osera sur le coup admettre que peut-être que ces causes puissent avoir un véritable rôle. Voilà. Merci pour ces précisions que je partage. Alors comprenez bien, chers amis, chers auditeurs, que dans l'histoire de votre famille, ces grandes décisions vous ont affecté votre famille. Certains de vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, peut-être pour les plus jeunes, ont été affectés directement. Ils ont peut-être perdu un bras, ils ont peut-être été tués, leurs frères ont été tués. De toute façon, leurs familles ont été affectées. Il y a eu des veuves, il y a eu énormément de souffrances. Vous allez dans votre village, dans votre commune, vous vous arrêtez devant les monuments aux morts, vous voyez des noms, ces noms sont familiers. Ce sont des gens qui ont été les victimes directes de ces prises de décision. C'est pas si lointain, c'est pas si abstrait, c'est près de nous, en fait. Et c'est jusque dans le dernier village de France, évidemment, le dernier village d'Allemagne, etc., et bien sûr, en Grande-Bretagne, la même chose, parce qu'en Grande-Bretagne, il y avait le volontariat, mais la propagande faisait son travail. Et tu parlais de cette histoire occultée. Il y a des gens qui ignorent tout ça, et notamment par rapport au rôle de l'établissement anglo-saxon. anglo-saxons et juifs, je précise. Dans cette guerre, je voulais souligner un petit point qui est quand même important à relever. Il y a des événements importants qui ont eu lieu, deux événements cruciaux qui ont eu lieu durant la Première Guerre mondiale, dans le cours du développement de cette guerre. Deux événements. La révolution bolchevique, d'abord la révolution social-démocrate avec Kerensky, mais suivie de la révolution bolchevique, et la proclamation Balfour, qui va en fait donner la Palestine aux Juifs. Et ce bascule... Vas-y, oui ? Oui, qui va promettre, parce qu'ils la donneront après, mais ils vont la promettre. Oui. Et alors, je vais m'arrêter là-dessus brièvement, mais juste pour en mesurer quand même la portée. Alors, pour voir à quel point la duplicité est totale. Quand Trotsky retourne en Russie en 1917, il rentre dans l'Empire, dans l'ancien Empire des Tsars, qui à l'époque est aux mains de Kerensky, qui est lui-même soutenu déjà par les démocraties. Il rentre dans le pays avec un passeport américain. Et quand on étudie de plus près cette affaire, on apprend qu'en fait le département d'État américain, c'est un nom qui doit réveiller quelque chose à votre oreille, c'est le département d'État américain qui lui a donné, sur ordre express de Woodrow Wilson, par un intermédiaire qui s'appelait Crane, qui était un oligarque américain qui soutenait la révolution bolchevique. Donc vous avez bien entendu, vous aviez des milliards, enfin ce qui serait l'équivalent aujourd'hui de milliardaires, mais à l'époque c'était des gens très riches de toute façon, des millionnaires en dollars, qui étaient des financiers en fait de Wilson au plan politique. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, vous savez, les grandes fortunes américaines financent les campagnes des candidats à la présidence, et Crane était un financier de Wilson, et il s'est retrouvé en bonne compagnie avec Trotsky, qui lui a expliqué les buts de la révolution. Il a donné son feu vert, et Trotsky est reparti en Russie, après avoir transité à New York, où il a rencontré des grands financiers juifs. Il est reparti avec du cash pour la révolution. Et il était clair, et c'était cité explicitement dans les comptes rendus ensuite qu'il y a eu au Sénat, puisque les services de renseignement militaire américains ont dû s'expliquer sur toute cette situation, il y a des notes, et on apprend en fait que Trotsky retournait en Russie pour faire la re-révolution. La re-révolution. C'est-à-dire que la révolution social-démocrate de 1917 n'avait pas satisfait les élites oligarchiques américaines. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ils étaient satisfaits de la première révolution, ils la voulaient, ils voulaient renverser les tsars, comme tous les juifs établis à New York, qui venaient souvent d'Europe de l'Est et qui voulaient liquider l'empire des tsars. Mais ce n'était pas assez, il s'agissait de mettre les juifs au pouvoir totalement et de manière irrévocable en Russie, d'où la fameuse expression de faire une re-révolution, ce pour quoi était missionné Trotsky. Donc, avec un passeport remis par Wilson, via le département d'État, sur demande d'un oligarque américain nommé Crane, Trotsky a transité par le Canada, direction la Norvège, ensuite la Suède, puis la Russie, où il continuera son œuvre aux côtés de Lénine, vous le savez. Donc il va devenir le patron de l'armée rouge d'ailleurs. Et déclaration Balfour. Qu'est-ce que la déclaration Balfour ? Intéressant, une partie des Juifs, il faut le savoir, était favorable à la cause allemande au début de la guerre, parce qu'il y avait beaucoup de juifs en Allemagne, tout simplement, et que le pouvoir wilhelmien n'avait jamais fait preuve d'antisémitisme, bien au contraire. Mais les juifs ont fait valoir auprès du gouvernement américain qu'ils étaient prêts à utiliser leur influence et à renverser les alliances, si besoin. Et ils ont fait valoir la même chose auprès des Britanniques, tout spécialement auprès des Britanniques. Ils ont dit aux Britanniques, écoutez, nous avons beaucoup d'influence aux États-Unis, nous contrôlons déjà beaucoup de la presse, une bonne partie de la presse américaine, et il y a un fort sentiment isolationniste qui prévaut en Amérique. Mais nous pouvons changer de position et cesser d'observer une excessive neutralité. Il va falloir nous donner quelque chose en échange. Et ce quelque chose, vous l'avez bien compris, c'est la Palestine. Et ça va aboutir à la fameuse déclaration Balfour. Alors messieurs, ça c'est l'imposture juive de la semaine, rubrique numéro 2, suprémacisme juif, il n'y a pas d'autre terme. C'est le procès truqué, hein, on peut le dire, des assassins de la vieille Knoll. On va y revenir. Alors, je lis l'article de BFM quand même. Le parquet avait requis la peine maximale à l'encontre du principal suspect. Le caractère antisémite du meurtre et du vol de l'octogénaire a été retenu par la cour d'assises. Yassine Mihoub a été condamné mercredi par la cour d'assises de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre en 2018 de Mireille Knoll, avec la circonstance aggravante de l'appartenance de la victime à la communauté juive. Son co-accusé, Alex Karim Bakus, a été acquitté pour le meurtre de l'octogénaire, mais condamné à une peine de 15 ans de réclusion, assortie d'une peine de sûreté de 2/3 pour le vol de la victime. Le caractère antisémite a également été retenu pour lui, de même que la circonstance aggravante de la vulnérabilité de Madame Knoll, 85 ans, et très affaiblie par la maladie de Parkinson. La Cour a examiné que les faits s'étaient inscrits dans un, je cite, « contexte global antisémite » selon la lecture faite par le président Franck Zientra. Après plus de 9 heures de délibéré, selon la Cour, le caractère crapuleux a été alimenté par une haine en raison de l'appartenance de la victime à la religion juive et par des préjugés de Yassine Mihoub et des croyances que des richesses puissent être dissimulées dans le logement social de Mireille Knoll. C'est juste, c'est ce qu'on attendait. Notre famille va pouvoir démarrer son deuil, a réagi le petit-fils de Mireille Knoll. La mort de Mireille Knoll, qui avait fui Paris en 1942, voilà, on a le pédigré là, pour échapper à la rafle du Veldiv, avait suscité une vive émotion. D'autant plus qu'un an auparavant, Sarah Halimi, sexagénaire juive, avait été tuée et défenestrée par un homme finalement considéré comme irresponsable pénalement. On ne sait pas pourquoi il fout ça sur la table, vous savez. Trois jours après la mort de Mireille Knoll, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour assassinat à caractère antisémite avant que l'affaire ne soit renvoyée en juillet 2020 devant les assises de Paris pour homicide volontaire. La question du caractère antisémite du crime a concentré les débats devant la cour, des bribes de conversations sur les juifs et des poncifs sur leur richesse supposée, mais aussi des recherches sur internet ont constitué les faisceaux pour déterminer le, je cite, « halo antisémite » dans lequel, selon l'avocat général et les parties civiles, s'est déroulé ce crime. Voilà. Alors, qu'est-ce qui retient mon attention? C'est pas le meurtre en lui-même, en fait, hein. On sait très bien qu'un meurtre d'une personne âgée dans ces circonstances, ce serait terminé par une peine à perpétuité, hein. Il n'y avait pas tellement de suspense là-dessus, voilà, avec un fond crapuleux d'alcoolisme, etc., hein, de la part d'un Algérien. Enfin, d'alcoolisme, de bougnoulisme, et puis de la victime, Madame Knoll, était une vieille youpine qui avait échappé au travail. Oui. Hein, voilà, c'est ça, oui. Hein, qui avait échappé au travail il y a quelques années. Et qui invitait à boire du kir chez elle, Monsieur Yassine. Tout à fait, c'était un habitué de la maison, en fait. Voilà, c'était un habitué de la maison qui, donc en plus de venir boire du kir à la maison, avait pour habitude d'aller trifouiller ce qui se passait sous la jupe d'une de ses voisines, hein, une de ses jeunes voisines. En l'occurrence, ah, c'était la fille, hein, de l'aide ménagère de la vieille Knoll. Oui, oui, c'est-à-dire une de ses coreligionnaires, je pense, hein, de la même race que lui, une maghrébine, hein, certainement, qui, hein, il ne s'empressait pas de venir y mettre la main à la pâte. Tout à fait. Ce pourquoi donc il a été condamné à de la prison. Et pour laquelle, en fait, la vieille Knoll avait témoigné. C'est-à-dire qu'elle avait témoigné qu'il y avait eu agression sexuelle avant, ensuite, tout à fait, de s'en désoler en disant, voilà, qu'elle regrettait que c'est abouti à l'emprisonnement de Yassine, donc un ami de la famille Knoll. Et alors, Yassine Mihoub, hein, maghrébin, finalement à la hauteur de la réputation de son peuple, en a conçu une rage absolument folle, hein. Et ça a été aggravé par le fait que sa sœur est décédée durant sa détention et qu'il n'a pas été autorisé à assister à ses obsèques. Et il avait donc décidé de se venger de Mireille Knoll parce que, à cause de son témoignage dans cette affaire de mœurs, eh bien, il n'avait pas assisté donc aux obsèques de sa sœur. Et c'est ce qui a essentiellement motivé sa soif de vengeance. Réalité qui a bien sûr été totalement occultée par les médias, ou alors mentionnée, mais à la va-vite. Hein. On nous a dit, non, mais c'est antisémite, et alors pour prouver l'antisémitisme, ils ont demandé à la police de fouiller dans tous les sens. Et la police s'est exécutée, évidemment, hein, vous le savez. Mais alors, ils ont tout fouillé, ils ont tout retourné, les poubelles, tout, pour essayer de trouver. Alors, ils ont trouvé 2-3 recherches sur Internet avec des mots-clés. Bon, un peu faiblard, mais ça a suffi pour créer, alors je cite, hein, un halo antisémite. Hein, voilà, il y a un halo, voilà. D'autant plus que l'avocat de la famille de Madame Knoll, ses enfants, et Maître Golnadel, l'aiguille dorée, hein, voilà, qui est en fait le... Golnadel, ouais, effectivement. Qui est le, ma foi, en ce moment, le. Voilà, le faiseur de roi. Ah oui, oui, oui, oui, hein, voilà. D'ailleurs, c'est qui, dans le cadre de ses fonctions d'avocat, défend aussi des juifs orthodoxes qui recherchent à expulser la France de Terre Sainte, parce que vous savez que la France possède quelques éléments du patrimoine historique là-bas, en raison de sa présence séculaire en Palestine, et donc la France. Et gardienne notamment de ce qu'on appelle le tombeau des rois, un site archéologique. Oui, je pense que ça plaît peu. Ça plaît peu. Ça plaît peu à certaines personnes. Et puis, oui. il est fort probable que la diplomatie française actuelle avec Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. L'envoyé de Dieu fasse en sorte que des problématiques du passé qui nous pèsent, n'est-ce pas, soient réglées. Voilà. Mais qu'on arrête d'insulter le peuple de Dieu en refusant de lui rendre ce qui lui appartient. C'est quand même... Voilà. Alors, il y a comme ça un très beau reportage. Hein, donc, on voit les rabbis orthodoxes vociférer donc, à proximité du tombeau des rois, maudissant hein, bien sûr, hein, la France hein, d'insulter comme ça Yahvé. Et on a Maître Golnadel qui, à son bureau, explique en quoi donc ces rabbis qui veulent absolument déloger la France de ses possessions, que la France doit s'exécuter dans les plus brefs délais. Voilà. Donc ça, c'est l'avocat hyper, ultra patriote Golnadel, hein, qui est le véritable patron aujourd'hui de la droite en France. D'ailleurs, c'est rare... C'est-à-dire sous l'Ancien Régime, les crimes qui conduisaient systématiquement à la peine de mort, le fait de vouloir enlever une partie du territoire national, c'était un des crimes qui était considéré comme méritant la peine capitale. Quoi. Mais bon, à part ça, il est patriote. Bon, patriote israélien, mais ouais, patriote. Oh, comme tu y vas. Non, écoute. Et donc, il défend Myriam, qui est une Française. Myriam, qui est une Française, hein, voilà. Et donc, il y avait un halo d'antisémitisme. Mais j'aime bien ça, cette notion de halo d'antisémitisme. J'aime bien ça. Oui, hein, c'est-à-dire que nous avons sur le territoire français, donc en plus, je crois que c'est à Paris que ça s'est passé, cette histoire. Hein, oui, à Paris, oui. Oui. Dans la puanteur raciale la plus abominable, hein. Yacine et Madame Knoll sont allés faire des carabistouilles et le monde devrait s'en émouvoir. Il s'en est ému par la force des choses. Je veux dire, on a quand même été convoqué. Oui, hein. On n'a pas eu tellement de choix. Qu'il a été convoqué. Enfin, c'est-à-dire que la France et le monde se sont arrêtés de tourner. Hein. S'arrêter de tourner, tout d'un coup, la vie Knoll est devenue un sujet, quelque chose. Enfin bon, donc disons dans cette affaire, ce qui est quand même absolument choquant, et j'en viens au fond, parce que c'est une affaire extrêmement choquante. Alors évidemment, les gens s'émeuvent, une mamie assassinée par une espèce d'alcoolique, enfin un paumé. Oui, j'entends bien, mais c'est pas ça qui retient mon attention ici. En tout cas, pas davantage que lors d'autres homicides, dont on parle très peu au final, alors que les Algériens, ils vont franchement de la lame, hein, entre nous soit dit. Hein. Non. Pourquoi soudainement nous sommes tenus... ce qui t'emmerde. Vas-y, oui. Ce qui t'emmerde, excuse-moi de te couper, c'est qu'en fait, ça entérine quoi ? Je dis bien ça entérine, je dis pas sacré. Ça entérine le fait que la vie d'un juif ou d'une juive, bah, vaut plus que celle d'un français de souche ou d'un blanc, en fait. Pourquoi ? Parce que lorsque t'as un chauffeur de bus qui se fait défoncer le crâne à un coup de pied par des bougnoules dans un bus après leur avoir demandé de mettre un masque, alors l'histoire du masque c'était de la merde, mais bon, il a voulu faire respecter en fait un cadre, là tu vois, c'est un pauvre fait divers. Et donc les mecs vont prendre, allez, 5 ans de prison, ils en feront peut-être 3, ils seront envoyés au ski, et quand ils seront en prison, de toute façon, ils seront... nourri, logé, blanchi avec la surveillante pénitentiaire qui viendra leur tailler des pieds de temps en temps, ils auront droit à la PlayStation 5 pendant que le chauffeur il est mort. Mais alors quand t'as une juive qui est morte là, attention, hein, par un mec qui la sait bien, qui fait partie de son entourage et qui avait pour le coup véritablement des problèmes psychologiques, ah là attention, c'est différent, c'est une juive. Et là t'inquiète que la prison vient de faire et que ça sera pas la même durée. C'est ça qui te chagrine. Bah, oui, écoute, Captain, il l'avait. Oui, je réponds okay. Simplement, c'est ce qu'ils appellent le caractère aggravant du meurtre à caractère antisémite. Mais en quoi c'est aggravant ? C'est-à-dire que si c'est un blanc, c'est pas grave ? Ben c'est ça. C'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. Le caractère aggravant, donc il y a bien une hiérarchie dans le meurtre qui est définie sur un critère racial. Donc en France, tuer un juif, c'est beaucoup plus grave que de tuer un Français. Et de fait, c'est ce qui se passe, parce qu'il y a 1 000 000 d'assassinats en France chaque année, il y a des cas, des histoires sinistres en permanence, il y a des vieux qui se font assassiner chez eux, des cas comme ça, on en a. Il y a une vague émotion, mais alors par contre, avec la vieille Knoll, une espèce comme ça, il y a un décret médiatique, institutionnel, politique, pour que soudain, la totalité du pays s'arrête et se focalise sur cette victime en particulier, parce qu'elle appartient au peuple élu. Donc là, on est dans la déformation de la réalité qui ne fait que... Enfin, ça, c'est simplement le résultat de l'influence juive sur la vie française. Ni plus, ni moins. C'est pas qu'il y a une indignation qui vient du tréfonds du peuple, pas plus que quand ça se passe, quand ça vise une autre personne âgée. C'est vraiment... Ça vient du haut, ça vient des juifs, on a l'ordre de s'émouvoir, et voilà. Je ne sais pas si ça vient du haut, mais ça vient d'un tréfonds de leur âme, pour le coup, je pense. Mais ça vient de ce qu'eux, ils le revendiquent. Hein. C'est le peuple élu. Là. Mais c'est... Oui, non, mais c'est voilà, surtout, il y a en fait, il y a des Français. Il y a deux Français. Il y a des Français. Non, mais il y a des Français goy. Ça, c'est de la merde. Ça peut mourir. Puis il y a les juifs. Là. Puis tuer un juif, c'est quand même grave. Quoi. Le peuple élu. Non, mais c'est la prétention de ces gens. Quoi. Déjà, en plus, de base, c'est un peuple élu dans le sens peuple choisi. Même normalement, dans l'interprétation dans l'Ancien Testament, quelque chose pour lequel normalement il devrait tomber d'accord, Dieu n'aurait jamais dit c'est le meilleur peuple dans tous les domaines. C'est un peuple élu qui a été choisi pour une mission. C'est la différence entre les deux. Quoi. Mais eux, avec leur arrogance, ils ont préféré choisir le terme qui va les mettre en avant. Vous vous rendez compte, on était le peuple élu, choisi de Dieu. Alors qu'en plus, si jamais c'était le cas, par rapport à leur histoire, même juste religieuse, combien de fois le peuple, soi-disant, le meilleur des meilleurs, a justement déçu Dieu. Leur histoire, finalement, c'est que ça. Le veau d'or, ils se moquent de Dieu, après ils en reviennent, ils changent d'avis tout le temps, ils sont menteurs, hypocrites, ils tuent leurs propres prophètes, à commencer d'ailleurs par le plus grand de tous, le Christ, mais bon, celui-là, ils ne le reconnaissent pas. Même Moïse, Moïse lui-même, hein, je ne parle pas de Heinrich Himmler, hein, Moïse, les termes avec lesquels il qualifiait les Juifs, il serait cité maintenant, Moïse serait antisémite. Quoi. Le peuple élu de Dieu, finalement, il applique une logique juridique par rapport à ce qu'il croit. Surtout, c'est pas juste moi, je suis un juif, je suis le peuple élu de Dieu. C'est aussi, par voie de conséquence, le reste, c'est de la merde. Le reste, ça vaut rien. Et le Talmud, qui est une construction du deuxième siècle après Jésus-Christ en réaction au christianisme, a appuyé finalement ce que les juifs qui voulaient pas reconnaître le Christ avaient déjà au fond de leur âme, à savoir un mépris, un dédain pour le reste de l'humanité. Vous savez, quand les Écritures disent « il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs », les Juifs, attendez, nous, on espérait être au-dessus comme ça. Nous, on est mêlés avec les Grecs, sous-entendu les païens, ça ne nous va pas, quoi. Et le Talmud appuie cette revendication-là en mettant, comparant finalement les goïms comme de la merde, ça ne vaut rien, jusqu'à travestir même leurs propres écritures. Finalement, tu ne tueras point. Ils ont réussi, à travers toute leur hypocrisie, c'est vraiment un peuple hypocrite, hein, les Juifs, à travers toute leur hypocrisie, ils ont réussi à travestir ça en disant, bah, finalement, tu ne tueras point, mais ça veut dire, tu ne tueras point ton prochain. Mais c'est qui ton prochain? Bah, c'est un autre juif, l'égoïme, ça rentre pas dans ce cadre-là, c'est de la merde. J'aimerais ajouter une toute petite chose à ce que dit Pierrot, une petite précision. Il faut savoir, ceux qui nous écoutent doivent savoir une chose, c'est que les juifs et les israélites, et je vous dirai pourquoi après, sont deux chances différentes. Ils se sont fait la guerre les uns les autres. Et les juifs ont récupéré ce qui était une mémoire verbale au départ et qui était transformée en Torah lorsqu'elle a été écrite, ils l'ont récupérée et en ont profité en quelque sorte. Ils l'ont attirée à eux et l'ont adaptée à leurs besoins sectaires. Et ce qui fait qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, qui est une Torah faussée en fait, hein, de notre côté du moins, de ce côté-ci de l'Europe, qui est, comment dirais-je, une espèce de justificatif pour les juifs, cette Torah faussée. Mais ces gens ne sont qu'une secte, ils n'ont rien à voir avec les Israélites, et donc en reprenant la tradition des Israélites, qui disaient sans doute de très bonnes choses, ils ont pratiqué l'imposture en se l'attribuant, c'est ça que je voulais dire. C'est un peu confus, désolé. Si je peux me permettre d'apporter en tout cas mon point de vue, beaucoup de gens déjà de base s'imaginent que les juifs actuels, du point de vue religieux, c'est juste finalement des gens qui se sont arrêtés juste avant les chrétiens, quoi. On va dire, tu as la version 1, le judaïsme, après il y a l'an 0, et finalement les chrétiens c'est le judaïsme plus quelque chose, et puis l'islam c'est le judaïsme, le christianisme plus encore autre chose. Voilà. Et puis les juifs du coup ils sont restés bloqués à la première étape. Il n'y a rien de plus faux. Les juifs ont continué. Donc ils n'ont pas reconnu le Christ, et puis du coup ça a généré tout un tas de problèmes, parce que finalement là on arrive à 2000 ans après la mort du Christ, et ils sont toujours en train d'attendre le Messie chrétien que je suis, pour moi est déjà venu, et eux ils l'attendent, et puis ils se disent bah merde, ils nous ont oubliés, qu'est-ce qui se passe? Et en fait ils ont continué un cheminement intellectuel dénoncé dans le Nouveau Testament, à savoir le cheminement des pharisiens et des hypocrites, toujours pour se glorifier, hein, bien sûr. Donc la construction du Talmud est venue dès le début du IIe siècle, ensuite est venue la Kabbale, donc c'est pas juste un arrêt, c'est pas juste on arrête à l'an zéro, et puis on garde la doctrine, non, ils ont continué là-dessus, et ils sont arrivés à des absurdités, le Talmud, clairement en opposition au christianisme, où en fait Jésus est désigné comme un traître, un menteur qui rôtit en enfer, dans une marmite, où la Sainte Vierge Marie est considérée comme une prostituée. C'est vraiment une saloperie, le Talmud. C'est pas pour rien que le bon roi Saint-Louis a décidé de brûler le Talmud en place publique, quoi. La Kabbale. Il a oublié de brûler ceux qui lisaient le Talmud. Oh, il a fait un petit travail là-dessus, quand même. Hein, quand même. Plus la Kabbale, après, qui est une sorte de mystique juive. C'est marrant, parce que du coup, de temps en temps, j'écoute le Rav Von Chaya sur YouTube, parce qu'il est complètement délirant, où en fait, lui, il explique que la mystique juive de la Kabbale, pour pouvoir y accéder, il dit, ouais, faut pas regarder des conneries sur Internet, la Kabbale, c'est mystique, faut être intronisé, vous savez, un peu comme la franc-maçonnerie, finalement, la Kabbale, c'est une sorte de débrite des points de vue religieux, quoi. Vous êtes un bon juif, sous-entendu, vous êtes dans le coup, vous êtes intronisé pour savoir les fameux secrets de la Kabbale, quoi, voilà. Il n'y a pas eu, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu un arrêt sur image à l'an zéro, ils ont continué, et puis ils en sont venus à des absurdités, à des folies. Je veux dire, depuis la philosophie athénienne jusqu'à nos jours, à peu près tous les philosophes, qu'ils soient athées ou théistes, ont toujours dit, si Dieu existe, hein, Dieu ne peut pas mentir. Voilà, c'est toujours ça. Et même Nietzsche, hein, Nietzsche qui est pourtant l'auteur de Dieu est mort, c'est pas forcément, hein, pas forcément le plus grand des croyants, Nietzsche. Hein. Mais tous les philosophes, de toute manière, sans aucune exception, ont conclu ça. Et les juifs ont réussi quand même à dire, ah finalement, nous, c'est différent, Dieu il existe, machin, mais il peut mentir. Il peut mentir, il peut faire des promesses, des fausses promesses, on a le droit de mentir, du coup on peut tricher parce que Dieu il l'a fait. Enfin voilà, ils ont tenu à. C'est de la folie, c'est de la folie. Moi, je compare maintenant les juifs modernes à des fous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont rajouté tout un tas d'interdits, de règles. On parle souvent de l'islam, c'est une sorte de liste d'interdits débiles. Pour le judaïsme moderne, c'est finalement la même chose, où finalement les juifs sont restés de la chair et ne sont pas venus à l'esprit. Ils sont restés très terre à terre, ils ne sont pas allés aux choses spirituelles. Et ils ont, oui, alors. J'ai le droit de me gratter le nez, mais pas un samedi. Oui, d'accord, si je me tourne à 380 degrés, j'ai le droit de le faire avec la main gauche. Enfin, ces gens sont fous, quoi. De la même manière que l'islam est con avec l'islam est une religion à point, le judaïsme, c'est aussi la même folie. C'est aussi, hein, une religion à point, le judaïsme moderne, avec les fameuses mitzvot. Vous accumulez plein de points, vous irez au paradis supérieur par rapport là, au paradis inférieur. Et vous devez choisir votre métier, ce que vous faites de votre vie par rapport au nombre de mitzvot que vous pouvez accumuler. Ces gens, ils ont confondu la religion avec les points bonus de Super Mario. 613, Miss Vot, me corrige, Derrick, tout à fait. D'ailleurs, un petit peu pour aller soulever un point un peu particulier, certains affirment, et je pense qu'ils ont raison, que Jésus-Christ rapportait la parole des anciens et par là même s'opposait aux juifs qu'on appelait à l'époque les pharisiens, et qu'en fait le christianisme serait une résurgence de l'ancien israélisme qui était un monothéisme universel. Contrairement au judaïsme, qui est un schisme religieux et qui est un monothéisme réservé aux seuls juifs. C'est très discutable. Tu fais référence à des interprétations qui reposent notamment sur un passage où Jésus, comme souvent, a une altercation violente avec les pharisiens et il leur dit « Vos pères n'ont pas connu l'esclavage ». Or, toute la mystique du peuple juif, c'est qu'il a vécu l'esclavage sous Pharaon, dont C'est qu'il Moïse a aurait fait vécu sortir. l'esclavage, sauf à... Il aurait, oui. Il aurait. Et donc forcément, s'il porte cette accusation-là envers les pharisiens, ça reviendra à dire effectivement, mais vous n'êtes pas juif en fait, enfin, vous n'êtes pas des nôtres. Vous n'êtes pas israélite. Oui. Oui, j'ai des réserves quant à tout cela, mais ça nous écarterait quand même de la discussion. Mais c'était intéressant de toute façon d'écouter les différents points de vue sur ce sujet. Donc là, vous avez placé plutôt le débat sur la question religieuse. Mais comment dire, ce qui est certain en tout cas, hein, ça c'est... Que ce soit chez les religieux ou pas les religieux ou non religieux, c'est qu'il y a une distinction très nette entre les juifs et les non-juifs. Hein, ça, c'est la grande distinction dans l'ordre du créé. Hein, il y a le monde juif et le monde non-juif, donc le monde des goïms, bien sûr, avec une hiérarchie très clairement établie, puisque les juifs sont au-dessus des goïms. Alors, certains vont dire que c'est le résultat de la religion, etc. Moi, je crois pas. Je pense que c'est simplement le résultat d'un racisme conscient chez cette population depuis très longtemps. C'est pas une religion, je veux dire, à laquelle on se convertit tout court. Enfin, je veux dire, quand on n'appartient Ah, on ne se pas convertit pas, à mais ces... je. Tout à fait. Voilà. Donc c'est Ah, tu peux. C'est 3 ans d'études au minimum, c'est beaucoup de questionnements de la part des rabbins. Oui, tu seras mal vu toute ta vie, tu peux le faire. c'est C'est spécial. extrêmement compliqué, et de toute Ouais. façon, en plus, ça dépend même de si tu le fais aux États-Unis, tu seras pas reconnu comme juif en Israël. Et même si tu le fais en Israël, il faut que tu le fasses chez les orthodoxes. Et quand tu le fais chez les orthodoxes, et ben mon coco, t'as intérêt à avoir 6-7 ans devant toi, hein, et puis à la fin, tu seras toujours considéré comme ouais, mais on n'est Non, pas mais oui, sûr. Voilà. de toute manière, tu seras vu comme l'animal de compagnie, si tu veux, comme la Un bestiole peu comme les qui gens dans chie. l'islam. Ça dépend aussi du nombre de millions de dollars que tu as sur ton compte en banque. Oui. Pas tout ça pour dire que les conversions, c'est quand même très marginal. Oui, de toute façon, il faut frapper 7 fois chez le rabbin hein, quand on veut se convertir. Vous ne connaissez pas ça? Non. Non, vas-y. Vous travaillerez le sujet. Le rabbin ne doit pas répondre 7 fois avant d'ouvrir la porte à celui qui veut se convertir. Ça commence par ça. Il doit décourager le goy qui essaye de... Et puis ensuite, ah ouais, c'est Fight Club en fait, c'est ça. Oui, non, mais mais enfin, je veux dire, moi je juge pas là-dessus, je m'en fous. C'est pas le problème de leur fonctionnement interne, mais je veux dire, l'étranger n'est pas le bienvenu. C'est pas un club. C'est pas le christianisme où en fait justement t'as la même parabole où on dit frappez et on vous ouvrira quoi. Là c'est non, tu frappes et on s'en fout. C'est pas du tout la même stratégie de survie quoi. C'est complètement différent. Voilà, Tu veux dire que les convertis ne sont pas une richesse pour les juifs? Alors les juifs convertissent si tu veux, mais il y a la barrière raciale, c'est ça. C'est pour ça que les abrutis disent ah mais les juifs ils sont pas prosélytes. Alors ça c'est les abrutis qui disent ça. Les juifs sont extrêmement prosélytes, très prosélytes. Simplement ils distinguent comment dirais-je les goïms des juifs. Je vais être un peu taquin, mais le Christ aussi distinguait les juifs et les chiens. Je vous invite à lire les Écritures. Et donc, comment dire, donc il y a une distinction. Donc, on ne peut pas rentrer dans le club par le sang. Donc, voilà, c'est ce qui explique pourquoi les frontières sont si hermétiques, quoi. Voilà. Donc, mais il y a du prosélytisme. Le prosélytisme se passe par la déformation du mode de vie des goïms. C'est-à-dire qu'il faut judaïser les goïms, d'accord, et avoir le beurre à l'argent du beurre. C'est-à-dire que les juifs conservent leur spécificité ethno-raciale en tant que groupe racial constitué, mais reconfigurent les sociétés non-juives par l'esprit juif grâce à un prosélytisme non religieux, mais politique, idéologique et culturel. Voilà. D'où l'hyperactivisme oui, juif, ça d'ailleurs que... dans la littérature, dans le cinéma. Voilà. En fait, on a des rabbins laïcs. On a des rabbins laïcs, mais qui font beaucoup plus de dégâts que les rabbins tout court. Hein. Je veux dire, moi, je préfère de beaucoup les orthodoxes, qui se limitent à l'étude de la Torah, que les rabbins laïcs, parce que les rabbins laïcs, c'est vraiment la septicémie. C'est les Enthoven, c'est les Bernard-Henri Lévy, c'est tous ces gens-là quoi, qui sèment et qui répandent leur miasme absolument partout. Vous voyez, les rabbins laïcs sont extrêmement toxiques, alors que les rabbins orthodoxes, eux, finalement, sortis de leur périmètre, ils ne sont pas tellement un problème. On les voit venir de loin, on sait très bien. Encore que, soyons prudents, parce que, par exemple, Jared Kushner, le beau-fils de Trump, dont la femme d'ailleurs est une convertie, hein, comme vous le savez, Ivanka Trump, est un orthodoxe, mais c'est un orthodoxe qui se rase, c'est un orthodoxe qui porte un costard trois pièces, c'est un orthodoxe qui se dissimule comme certains salafistes, croyez-le ou pas, certains salafistes ne portent pas le kamis. Et oui, ça ne se sait pas, mais certains salafistes ne s'habillent pas comme des salafistes. Alors vous allez me dire, c'est impossible, puisque la définition du salafiste, c'est celui qui copie le prophète. Oui, mais certains salafistes ont adopté une formule consistant à dire « Attention, il y a plusieurs façons d'être salafiste, et on peut être salafiste et avancer la cause de l'islam authentique du prophète en se dissimulant parmi les koufars. » Eh bien, chez les juifs, c'est la même chose. Et vous avez ce truc bizarroïde qui est le fait d'avoir des juifs orthodoxes qui ne sont pas habillés comme des juifs orthodoxes. Donc, il n'y a pas de caftan, il n'y a pas de papillote, mais ils sont ultra orthodoxes. C'est une sorte de taquilla juif, quoi. Ils ont le droit d'avancer masqué pour mieux faire avancer leur plan, tout à fait. Le capitaine voulait prendre la parole. J'ai oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah si, oui, je voulais dire, oui, c'est pour ça que j'ai encore J'ai encore voulu éclater mon écran de PC la dernière fois quand j'ai vu, je sais plus quel abruti de, entre guillemets, de droite, parler des valeurs judéo-chrétiennes qui ont fondé la France et qui sont en train de disparaître. Oh, si avec Ciotti, ce serait bien. Non, mais Ciotti, si tu veux, c'est de la pornographie, si tu veux. Il assume sa fonction, quoi, hein, mais comment dire... Ah façon, ouais, c'est un bidet. Ouais, et ses ambitions. Mais comment dire... Non, moi, ce qui me... Le problème, c'est qu'en fait, maintenant, c'est ma thèse. Je sais pas ce que vous en penserez, je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, il existe finalement un judéo-christianisme. Je pense que ça existe aujourd'hui. Mais oui. Et c'est advenu, mais vraiment formellement et de manière éclatante, à la suite de Vatican II. Je m'explique. Certains vont dire non, mais de toute façon, le christianisme est une branche du judaïsme. Bon, ça se discute, etc. J'ai pas de problème avec ça. Certains peuvent défendre cette thèse. Mais je parle bien du judéo-christianisme. Et vous allez voir pourquoi judéo-christianisme. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est explicite. Vous ne pouvez plus dire le christianisme. Il y a plus de. Vous pouvez pas dire. Le christianisme, c'est systématiquement judéo-christianisme. Les deux sont devenus indissociables. Et c'est marrant parce que ça devient un moment où, en fait, il n'y a plus de pratique chrétienne. Enfin, sauf il y a quelques gens qui pratiquent encore, mais l'immense masse des gens dans les pays anciennement chrétiens, donc d'Europe, ne pratiquent plus, en fait, la religion. Ils ne vont plus à la messe, etc. C'est vrai chez les protestants comme chez les catholiques, hein. Et on voit venir à la place, se manifester à la place, une espèce, et je parle du clergé, hein, d'évidence, en tout cas ça nous est présenté comme tel, d'une déférence et d'une primauté des juifs dans toutes les matières religieuses. Et dans les événements publics, ça se caractérise par la présence d'évêques et de rabbins. Vous avez qu'à le remarquer, hein, au niveau des institutions, etc. Vous avez, et d'ailleurs il y avait le grand rabbin Horsia, lors d'une manifestation, ça c'est des trucs, ça c'est des confidences, hein, c'est pas sur la place publique ça. Le rabbin Corsia s'était emporté parce que il voulait, lors d'une cérémonie publique avec les cultes, il y avait le président de la République, il voulait que les rabbins soient avec les officiels politiques et que les musulmans et les catholiques, et donc les évêques, soient de l'autre côté. C'est-à-dire que il y a une inversion complète par rapport à l'Ancien Régime, où vous aviez... les autres cultes n'étaient pas reconnus, mais on va dire pendant une certaine période un peu de flou, après Napoléon, quoi. Donc, le catholicisme était la religion dominante et reconnue comme telle. Il y avait le pouvoir politique, donc il y avait un rapport tout à fait privilégié avec le clergé catholique, ce qui pouvait se manifester dans les réunions publiques, etc., avec une préséance pour les évêques. Et puis éventuellement un ou deux rabbins qui devaient se glisser ici ou là, voilà. Et là, le rabbin Horsia militait pour l'inverse, pour bien signifier à tout le monde que les juifs sont aux commandes. Et il y avait une engueulade et tout, hein, y avait une engueulade par rapport à ça, pendant la cérémonie. Là, il s'était mis à criser, mes rabbins. Et comment dire, l'Église catholique reconnaît ça maintenant. Et c'est pas simplement le clergé. C'est-à-dire que maintenant, quand vous vous intéressez à l'activité religieuse, je parle pas des traditionalistes qui sont des gens, la Fraternité Saint-Pédis, c'est ça, qui sont des marges, je veux dire. Je parle vraiment de l'Église catholique, les gens catholiques lambda, d'accord ? Dans leurs activités, à la fois, il y a des groupes d'études bibliques ou des trucs comme ça, ou même des réunions, les rabbins sont présents. L'autorité provient maintenant du rabbinat, évidemment d'Israël. Et c'est quelque chose qui est totalement accepté par l'Église catholique. Ça n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors évidemment, les traditionalistes ne sont pas dans cette veine-là, mais ils sont assez marginaux et de toute façon très très mal vus par la hiérarchie catholique. Mais c'est vraiment normalisé, acquis. Donc, et alors, ça c'est au plan strictement religieux. Mais maintenant, dans la presse de droite, vaguement catholique, vous savez, là, les valeurs actuelles, etc. Mais chez eux, c'est absolument clair, quoi. Chez eux, d'ailleurs, vous le voyez dans les articles et les sujets et tout ce qu'ils abordent, les juifs sont centraux. c'est clair. C'est pas les évêques qui sont centraux, c'est les juifs. Donc, à valeur actuelle, c'est clair. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne se permettent de parler du grand remplacement que parce que des séfarades se sont fait éjecter du 9-3 par les nègres. C'est-à-dire qu'il y a grand remplacement parce que les juifs séfarades ne peuvent plus vivre comme ouais. ils le souhaitent dans la banlieue parisienne. Ouais. Ben, on a eu un exemple un peu identique cette semaine, c'est Damien Rieu qui intervient sur I-24. Bon, c'est un peu sa place. La maison, quoi, il était chez lui. Il n'est pas chez lui. Il est invité, mais non. Disons que c'est un petit peu sa petite bar mitzvah à lui. Et alors, pour un goy quand même. Hein. Et il vient, et alors, c'est ce que tu dis. Il dit. Donc, il parle du grand remplacement et il dit aujourd'hui, donc son propos, c'est aujourd'hui les gens qui tuent les juifs en France, blablabla, les bougnoules. Ouais. Tu vois, il est pas là pour dire, c'est pas I-24 qui dit il y a des Français qui se font assassiner par des Arabes en France, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, non, il est bien entendu que Rieu n'a la parole que pour parler des juifs. C'est ça qui est génial. C'est marrant, c'est. Je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, mais j'écoutais Golnadel justement. Encore lui. Les Guides d'Or, qui se plaignait du fait que Zemmour, hein, Eric Zemmour, depuis plusieurs années, ne parlait pas assez de la souffrance du peuple juif, notamment de Madame Knoll, etc. Du fait que dans les banlieues, les juifs avaient été expulsés, blablabla. Bla, bla, bla, pas en faire assez. Ce qui n'est pas faux. Hein. Mais bon, il se plaignait du fait que Zemmour ne mette pas assez l'accent sur ce point-là. On peut penser un petit peu ce qu'on veut d'Éric Zemmour. Hein. Ça peut être assez nuancé à son propos. Mais ce Golnadel, très franchement. Oh bordel, mais lui, il est vraiment puant. Hein. Il est vraiment très, très puant. De la Shoah, tu vois. Faut en parler plus. Ah non, Golnadel, il est très puant. Hein. Très, très, très puant. Le martyrologe juif dont, hélas, nous parlons si peu. Hein. C'est d'ailleurs l'avocat de. C'est ça l'aiguille dorée, hein, parce qu'il y a quand même. C'est l'avocat de la famille Knoll. Hein, oui, de M. Philippot aussi, d'ailleurs. Hein, bah. C'est pas l'avocat de Damien Rieu aussi, justement? Si. De Génération Sans Frontières. Génération Sans Frontières, c'est pas mal. Ça. Non, parce que Golnadel était génial, président de Mitterrand. J'ai créé un truc, là. Génération Sans Frontières, c'est excellent. Oui, j'ai fait le mix entre parce qu'il est le fondateur de Avocats sans frontières, puis il défendait Génération Identitaire pour une question de défense des frontières, je pense. Oui, c'est compliqué chez les juifs, mais c'est souvent sans frontières quand même. Disons que les juifs, c'est pour ça aussi par rapport à. On parlait de 14-18, les frontières. Les juifs ont beaucoup de mal avec cette histoire de frontières parce qu'eux-mêmes aiment beaucoup les passer, hein, surtout de nuit. Oui, de nuit ou pour la TVA aussi. Oui, il y a des. Oui, pour prendre l'avion, précipitamment. Oui, en cas de poursuite judiciaire. En direction de Suisse, et puis malheureusement, parfois. Et puis se réfugier derrière la frontière la plus gardée du monde. Hein, parce que là, pour le coup, il y a vraiment une frontière en Palestine. Ah oui, elle est physique. Là, et puis là, tu passes pas. Hein. Et dire que ces salauds de Polonais veulent bâtir une frontière avec des barbelés. Hein, hein. Quelle horreur. Voilà. Fille à mauvais coton, les gars. Mais vas-y, cher Alexis. Non, un petit détail sur le judéo-christianisme qui devient réalité, je suis relativement d'accord, donc en opposition avec ce que c'est que le christianisme historique. Mais justement, et ça fait le lien aussi avec l'histoire de globalisme et de fin des frontières, on va chercher à nous imposer, enfin ça a déjà commencé, le noachisme, qui est donc le fait de prétendument trouver les points communs à l'islam, au christianisme, au judaïsme, et de faire une pseudo-religion pour les goy, et qui sera vendue peut-être par ces élites mondiales dont nous allons reparler tout à l'heure à propos du Covid. Ouais, on va y aller, on lance l'offensive. Ça existe déjà, ça, quelque part. C'est le baïsme, c'est les baïs. Ouais, enfin. C'est-à-dire que les gens ne sont pas religieux, donc ils n'aiment pas les rites. Donc c'est encore trop. J'ai le noachisme au sens. Non, les gens sont stupides. Eux, il faut juste leur parler d'amour. Voilà. surtout dans cette période complètement féminisée. Je veux dire, voilà, vous dites l'amour, c'est ça la religion universelle, c'est l'amour. Hein, voilà. Et puis derrière, les rabbins, ils comptent leurs dollars. Oui, puis Noël schisme, tu l'as dit, Alexis, pour les goyes. Hein. C'est que les juifs, quand ils parlent de Noël schisme, c'est comme quand ils parlent de métissage et d'immigration. Quoi. Ça, c'est pour les autres. Hein. Eux, t'inquiète pas, ils restent bien. C'est pour ça que judéo-christianisme, bon, il y a une alliance qui est faite, mais en fait, c'est pas une fusion à la Dragon Ball. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un camp qui a abdiqué, d'accord. Bergoglio, il a signé surtout. Hein. Puis enfin, Bergoglio, les gens qui ont toujours Bergoglio, il a tout ratifié. Avant même qu'il soit élu pape, il passait plus de temps dans les synagogues à allumer des bougies que dans les églises, d'accord. Ça s'est reconnu. Donc en fait, il y a un groupe qui s'est fait absorber par l'autre, quoi. C'est pour ça d'ailleurs quand tu disais Gandalf, finalement les rabbins orthodoxes, du moment qu'ils se limitent à l'étude de la Torah, pourquoi pas, c'est moins pire. Mais le problème c'est qu'ils font pas ça, ces gens-là. S'ils se limitaient à l'étude de la Torah, très bien, on peut étudier la Torah, mais comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma précédente intervention, ces gens-là étudient le Talmud, ils étudient pas trop la Torah, hein, le Talmud, et puis après la Kabbale. Donc ils sont pas sur une histoire de finalement il y a des passerelles à faire, l'amitié, l'amour, mon cul. Ah non, mais non, non, ils sont sur une confrontation, quoi. Hein, et ah, mais il n'y a pas de problème. Avec le goy est un chien, quoi. Hein. C'est marqué. Non, mais ça je le sais, mais pour moi, de toute façon, le judaïsme n'est pas une religion, c'est une bannière raciale de lutte contre l'humanité qu'il faut subjuguer, donc c'est assez simple. Mais par rapport au catholicisme, alors il y a le christianisme et ensuite il y a les différents groupes religieux, dont le catholicisme. Bon, moi j'ai un point de vue un peu plus différent du tien. Je pense, si tu veux, que de toute façon il y a une porosité fondamentale, je veux dire, parce que justement il y a ce rapport très ambigu des chrétiens aux juifs qui se situe par rapport au Messie. Donc, ils parlent bien du même événement, qui est l'avènement du Messie, mais ils sont en désaccord quant à sa réalisation. Mais ils parlent bien du même événement, donc ils sont intéressés par le même événement. Donc, il y a une compétition par rapport à un même événement. Donc, c'est ça qui rend leur rapport possible, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils parlent quand même un petit peu du même sujet. Et évidemment, ça crée des possibilités d'infiltration à coup de finasserie talmuno-rabbinique, pharisaïque et tout ce qu'on voudra, quoi. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Bon, ça nous amène sur un autre sujet, donc je pense qu'il faut qu'on enchaîne. Mais il y avait Derek qui voulait parler d'un truc. Non, ça va. Non, d'accord. Alors messieurs, au niveau sanitaire, alors là il y a quand même deux trois trucs qu'il faut aborder rapidement, mais je me vois pas faire l'impasse. Ça c'est extraordinaire. Le Covid long n'existait pas. C'est sorti dans Le Monde, hein, donc c'est quand même sanctionné par les journaux les plus autorisés. Alors je vous lis ça, c'est court, trois paragraphes. Fatigue chronique, essoufflement, douleur thoracique, musculaire ou articulaire, trouble de la mémoire immédiate ou de la concentration, céphalée, anxiété. Plus d'un mois après avoir contracté le Covid-19, certaines personnes continuent d'éprouver une variété de symptômes persistants, parfois très invalidants. Une nouvelle terminologie dite Covid long, forgée par les patients, s'est peu à peu imposée pour décrire cette nouvelle entité pathologique. Mais celle-ci est... Oui ? Est-ce que tu me permets de couper ? Oui. Oui, en fait, j'ai l'impression que le Covid long est une... C'est un nouveau mot étiquette pour désigner des fonctionnaires. On la retient. Alors, mais celle-ci est-elle réellement due à l'infection par le nouveau coronavirus ? Question. Une explosive et méticuleuse étude épidémiologique publiée lundi 8 novembre par la revue JAMA, Internal Medicine, remet en cause l'éventualité d'un tel lien de causalité. Elle n'invalide pas le fait que certaines personnes puissent souffrir d'un syndrome post-infectieux, mais suggère que d'un point de vue statistique, c'est la conviction d'avoir été infecté par le SARS-CoV-2 qui est liée aux symptômes du Covid long, pardonnez-moi, plus que le fait d'avoir été bel et bien infecté. Dans un contexte où de nombreux patients souffrant d'un Covid long estiment ne pas être pris au sérieux par la communauté médicale, ces travaux alimentent un vif débat. Il faut faire attention. Nos résultats ne disent en aucun cas que les troubles rapportés par les patients sont imaginaires ou nécessairement psychosomatiques, prévient Cédric Lemogne, Université de Paris, chef du service de psychiatrie de l'adulte à l'Hôtel Dieu et coordinateur de l'étude. Notre analyse se borne à suggérer que la présence de symptômes prolongés ne serait pas spécifiquement associée au fait d'avoir été infecté par le nouveau coronavirus, et non que ces symptômes n'existent pas, puisque ces patients les ressentent, ces symptômes existent par définition. Voilà. Donc en fait, oui, il y a peut-être des gens qui ont des symptômes, mais ça n'a aucun lien avec le Covid. Alors, le Covid long, ça fait quand même une bonne année qu'il le trimballe à droite à gauche, hein, quand même, hein, je veux dire. Ouais, bah, moi, je ne sais pas si vous avez déjà, dans votre entourage, croisé des gens qui ont été victimes de Covid long. Personnellement, ça m'est... je ne connais pas. Hein, c'est, pour le coup, c'est une rumeur. Hein, conspiration. J'aimerais bien. Ah ouais, non, mais j'aimerais bien avoir un petit peu un retour. Non. Est-ce que parmi nos participants, nos auditeurs, y aurait-il quelqu'un qui a eu des retours de Covid long? Moi, j'ai eu des retours de petits désagréments dus au vaccin, par exemple. Ce serait comme ça. Le Covid long, non? Ouais, dans la belle famille, Covid long, j'en connais, ouais. Mais, est-ce que c'est des femmes à problème? Est-ce que c'est des femmes à problème, question? En fait, c'est des gens qui sont âgés ou très âgés, qui ont des problèmes de santé assez graves de base. Et, mais non, en fait, ça vient du Covid. Ouais, bon, écoute. Oui, donc ce sont des personnes âgées. Personnes âgées, c'est ça qui... Oui, bon. Donc en fait, ce sont des personnes malades, et aujourd'hui, on dit malade, on appelle ça Covid long aujourd'hui, donc c'est ça. Mais disons qu'avant le Covid, elles étaient quand même pas très bien. Après le Covid, bah pareil, mais c'est le Covid, voilà. Bon. Voilà. Ah, c'est plus clair comme ça, c'est plus clair. C'est de la science. Ouais. Alors, messieurs, deuxième point. Donc, on en rigole, mais je veux dire, le Covid long, moi, j'ai regardé, je me suis amusé. J'ai été sur YouTube, j'ai tapé Covid long parce que je voulais voir des reportages à la con, type France 3, tu sais, les trucs en immersion. Et, tu vois, donc, t'apprends en fait que ça n'existe pas. Il n'y a pas de Covid long, ça n'existe pas. Et oui, t'as des gens qui veulent toucher des trucs de la Sécu. Enfin, T'as des nanas. C'est la magie française, si tu veux. C'est la magie française. Voilà. Hein, là c'est de la magie. Oui, comment faire pour avoir un truc qui tombe tous les mois sans rien foutre, si tu veux. Ça, c'est voilà. J'en ai vu. Alors France 3 avec des reportages de terrain, tu vois. Et tu vois dans les centres hospitaliers, tu vois, et t'as des nanas donc de 30 ans qui sont en Covid long et tout. Et alors donc elles ont des réunions avec des infirmières, n'est-ce pas, qui étaient sur TikTok il y a encore quelques mois. Je sais pas si c'était infirmière, mais il y avait des femmes de je te dis entre 25 et 30 ans. Qui était prise en charge, Covid long, oui. Machin, qui oui, faisait oui, du bah, sport, oui. Du bin, enfin du sport encadré, hein, oui, tout, machin. Oui. Elles ont quand même des bonnes joues, hein, en général. Bah écoute, en tout cas, cette fille-là, elle avait les yeux qui pétillaient de santé, et elle avait le Covid long. Mm-hmm. Elle sera en arrêt pendant 6 mois. C'était des reportages. C'est pas pendant 6 mois. C'est-à-dire que c'est ta vie. Elle aura toute sa vie, elle sera reconnue comme étant victime. Elle aura 2% de Cotorep. Non, mais oui. T'as les poilus, ils ont leur nom, ils sont sur le. Hein, à Douaumont, tu vois. Elle aura son truc. Elle aura 70 balles par mois à vie. Parce qu'elle a éternué. Alors, attention, parce que oui, quand je dis 70, je suis fourchette basse. 700. Si c'est branlé comme l'Holocauste, je vous rappelle que le traumatisme de l'Holocauste se transmet aux descendants. C'est pour une catégorie de la population qui n'est pas... Oui, on en a parlé effectivement pour des raisons religieuses. Mais enfin, quand même, c'est pas parce que c'est refusé qu'on peut pas demander. Ah, on peut toujours demander. La France, on pourrait remplir des bibliothèques si on écrivait des livres là-dessus. Hein. Quand j'entends Covid long indemnité... Je vois Bamako, hein, je vois des tas de candidats. Alors je pose une question, parce qu'à cause de cette étude-là, ça tourne mal, mais je pose cette question. D'après vous, combien de thèses en sociologie, des trucs sur le Covid long sont déjà en cours d'écriture, là, au moment où on parle? Alors messieurs, c'est pas la seule nouvelle hein, de cette semaine, niveau chute un peu, enfin, c'est pas le mur de Berlin qui tombe, enfin, il y a au moins une brique qui est tombée, c'est pas plus mal. Mais il y en a une deuxième, là. Alors, ça, c'est la saturation des hôpitaux. Alors, ça, vous connaissez, hein. Alors, comme vous avez vu depuis 2 ans, des reportages à chaque vague sur la saturation des hôpitaux, on est d'accord, hein, vous avez vu les ambulances qui arrivent, les infirmières débordées, etc. D'accord, vous l'avez vu à la télévision, France 2, LCI, France 3, enfin, il y a eu des discussions, des débats, enfin, dans tous les sens, quoi. Hein. Donc, c'est acté, il y a une saturation des hôpitaux depuis 2 ans en France à cause du Covid, en tout cas, à chaque vague. D'accord. Vous avez notamment sur BFM les docteurs qui arrivent en disant là, notre service est en train de craquer, etc. Donc vous connaissez tout ça. Alors les chiffres de la TIH, donc qui est un rapport donc, des autorités sanitaires sur les hospitalisations, nous indiquent ceci. En 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid, 5% en réanimation. C'est tout, hein. je pas de... Non. Ouais, bah écoute, on va tous mourir, c'est la fin du monde, peste noire, peste espagnole, tout le monde chez soi, lockdown, tout ce que tu veux. Parce non, mais que je sais 2%. Pas, réanimation, là, je sais plus, il y avait tout le monde, les gens mouraient dans les couloirs. 5% des cas de réanimation, c'était le Covid. Bah, ce volet de la propagande, effectivement, s'effondre. Maintenant, il y a d'autres. Alors, je n'ai pas lu tout le rapport qui fait quand même, je crois, plusieurs dizaines de pages, mais j'ai écouté ce qu'a dit un dissident bien connu, là, Salim Laibi, qui en a fait une petite synthèse. Alors, il a dit aussi que, d'après le rapport, il y avait au moins un quart des gens qui étaient dénutris, ceux qui ont été hospitalisés pour cause de Covid, comme par hasard, ne s'alimentaient pas du tout convenablement depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc certainement des personnes isolées ou autres. Et un quart d'entre elles étaient aussi. Carencé en vitamine D, alors qu'on nous explique par ailleurs que la vitamine D ne sert à rien. Bon. Donc là, c'était un point. Et puis aussi, un autre aspect de la propagande gouvernementale, c'était de dire, OK, prenez un Doliprane, restez chez vous. Mais en fait, il y a bel et bien des gens qui sont morts en plus d'habitude l'an dernier. Et justement, un mathématicien, notamment Vincent Pavant, a dit, à la lecture des statistiques, c'est la première fois depuis 50 ans environ, qu'il y a plus de gens qui sont morts chez eux qu'à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un refus de soins. On avait déjà parlé par ailleurs Donc, on a fait tout pour que des gens crèvent, en fait. Hein. Et ça, c'est à connecter avec l'interdiction des traitements et puis avec le Rivotril qui est administré aux personnes âgées. Et ce qui explique la surmortalité et la fermeture des hôpitaux au titre de la saturation alléguée. C'est-à-dire qu'on a dit on ne peut pas accueillir parce que les hôpitaux doivent prioriser les soi-disant agonisants du Covid. Oui, et encore en ce moment, les hôpitaux sont interdits aux non-vaccinés, je crois. Il faut avoir des tests PCR, mais rappelez-vous qu'il y a toute une série d'opérations pour des cancéreux, etc., qui ont été repoussées en disant « mais on ne peut pas, parce que là, on est mobilisé pour le Covid ». Et quand quelques petits malins sont allés avec leur smartphone filmé dans les hôpitaux, au printemps 2020, ils ont constaté quoi ? Que les fameux espaces réservés au Covid qui étaient sous saturation, il n'y avait rien. Et quand ces vidéos ont circulé sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on a dit que c'était complotiste, que c'était pas vrai, que c'était du sensationnalisme, etc. Maintenant, on a les chiffres, 5%, c'est-à-dire que 95% des gens qui étaient en réanimation en France en 2020 l'étaient pour d'autres raisons, que le Covid, il n'y a jamais eu de phénomène de saturation. C'était une construction médiatique. Et je veux dire, il n'y a aucune espèce... Enfin, c'est un scandale énorme. On a le cas, là, d'école, de manipulation de l'opinion à une échelle hallucinante, et se traiter comme ça vite fait. Oh non, en fait, il n'y avait pas... Alors, un point central quand même sur lequel je veux venir... C'est que c'est tout sauf anecdotique. C'est pas juste de dire les médias ont menti. Évidemment qu'ils mentent. Ils mentent depuis le début. De la même façon que les politiciens d'ailleurs, puisque c'est un plan concerté. Mais l'histoire de la saturation des hôpitaux, c'est absolument central. Parce que c'est cette saturation théorique qui a justifié toutes les mesures qui ont été prises ensuite. et les gens l'oublient. Le confinement a été adopté au titre de l'hypothétique saturation des hôpitaux. Ils ont dit, si on ne confine pas, les hôpitaux vont craquer totalement. Nous allons avoir, et rappelez-vous, c'était ce que disait la presse au printemps 2020, nous allons avoir 500 000 morts en France. C'est ce que nous disent les modèles proposés par les universitaires britanniques, notamment du King's College. Ferguson, ouais. Ouais, Ferguson, hein, qui lui, pendant le confinement, quand ils l'ont mis en place d'ailleurs au Royaume-Uni, est parti sauter sa maîtresse, hein, rappelez-vous, hein, se disant que tout le monde allait mourir de la peste noire, bon, il en rigolait lui-même. Donc ça c'est pour les confinements. Les confinements qui ont coûté une somme folle, je veux dire, ils ont bloqué toute l'économie, ça s'était jamais vu. On n'avait jamais cloîtré les gens chez eux. À cette échelle, interdiction de sortir, interdiction de dépasser un certain rayon, interdiction d'avoir des activités économiques, etc. Ça a été justifié par cette saturation des hôpitaux qui n'a jamais eu de matérialité. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, la vaccination. La vaccination est justifiée au motif que si on ne vaccine pas les gens, les vagues vont saturer les hôpitaux, les réanimations vont crouler sous les patients Covid, il va y avoir un effondrement du système hospitalier et les gens vont mourir par centaines de milliers. C'est ce qu'on nous dit. Et en pratique, c'est 5% des cas de réanimation. Donc, et en plus, quand on s'intéresse aux détails des gens qui meurent du Covid, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, en réalité, le groupe d'âge le plus exposé, ce sont les 75-80 ans et plus, qui meurent avec un taux approximatif de 10 à 15%. Mais en fait, c'est lié aux comorbidités, au diabète, etc. Donc, il y a d'autres problèmes, il y a l'âge, il y a d'autres maladies qui expliquent pourquoi la mortalité est plus forte chez ce groupe d'âge. Mais quand on descend, on n'a pas du tout ces chiffres, et chez les enfants, c'est caricatural. Et donc, la vaccination est justifiée par cette saturation théorique qui n'a jamais eu de matérialité, c'est prouvé maintenant, et on nous explique qu'il faut vacciner les gamins, alors ça, c'est le pompon. Il faut vacciner les gamins et les 5-12 ans, on a une féroce campagne de propagande dans les grands médias à ce sujet-là, pour les protéger d'une maladie dont ils ne meurent pas. Ça, c'est statistique, hein. Il n'y a aucun gosse qui meurt du Covid-19, aucun. Pour soi-disant protéger les autres, en empêchant les enfants de transmettre un virus que ce vaccin n'empêche pas de transmettre. Et les médias vous disent ça, les autorités sanitaires vous disent ça, Macron vous dit ça, et vous êtes censé vous soumettre à ce truc-là. Écoutez, là, l'imposture, elle est consommée, je veux dire. C'est plus de la théorie, c'est plus des rumeurs, c'est plus... Non, là, c'est consommé, je veux dire, c'est consommé de A à Z. Le Covid long, c'était une arnaque. L'hospitalisation massive pour cause de Covid, le 500 000 de morts, c'était une arnaque. La vaccination justifiée à ce titre-là est une imposture. La transmission a quand même lieu. D'ailleurs, il ne se passe pas plus ça qu'autre chose. Je veux dire, voilà, le virus continue de tourner, voilà. Et maintenant, ils viennent vers les gamins. Et on nous disait, vous aurez que deux doses. Maintenant, c'est la troisième. Et puis bientôt sera la quatrième. Pfizer annonce son cachet à prendre régulièrement. Enfin voilà, on est dans ce qu'on a toujours décrit ici, une imposture au titre sanitaire pour contrôler totalement la population. Voilà, c'était le projet, et je crois qu'aujourd'hui c'est incontestable, c'est sous nos yeux. Et au bout de 2 ans, je suis satisfait de voir qu'on avait raison. Oh, au bout de 2 ans, mais dans 3 semaines, c'est fini, Ralf. Toutes les 3 semaines, on entend que dans 3 semaines, c'est fini. C'est la fin. Là, c'est le dernier. Il y a peut-être c'est la 5e et dernière. Mais après, c'est bon, c'est le dernier des derniers, avant le prochain. Mais faites-moi confiance. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu ça, là, regardez, aux Pays-Bas, là, confinement à nouveau décrété. Ils sont à 72% de taux de vaccination, mais quand on s'intéresse au nombre d'adultes, c'est plus de 80%. Ah bah tiens, tu parles de ça, Gandalf, j'ajoute aussi qu'il y a une manipulation très claire des médias, ça c'est évident, qui sont payés pour mentir de toute façon ces gens-là, donc il n'y a rien à attendre d'eux. Et aussi un jeu de dupes qui est partagé par les boomers qui, je pense, ont mis en pratique la notion philosophique qu'ils avaient déjà dans leur tête, à savoir je suis un boomer et je sacrifie la jeunesse pour mon confort et pour mon plaisir. Je pense qu'ils l'ont vraiment appliqué là au premier degré et encore plus, en faisant pour le coup vacciner des gosses. D'accord, qui ne risque rien par rapport au Covid. Par contre, les effets secondaires, comme tout médicament en fait, le vaccin, comme tout médicament a des effets secondaires, bien sûr qu'il y en a. Et pour sauver des vieux, on met en danger la vie des gosses, voilà, et ça ne dérange pas les boomers, au contraire. Oui, pour montrer que continuer dans le fait qu'on avait raison sur beaucoup de sujets. Alors, il y a bel et bien plus de gens qui sont morts en 2020 par rapport à 2019. Ça, j'invite les auditeurs à se reporter à un site qui s'appelle Euromomo. Alors, Euro, comme ça se prononce, et ensuite MOMO. Alors, ça sonne un peu curieusement, mais c'est validé par plein de médecins. Hein, c'est un organisme officiel. Et on voit que en 2020, donc plus de morts qu'en 2019, mais en 2021. Surtout depuis la fin de l'été, beaucoup plus de morts, et surtout parmi les jeunes, enfin entre guillemets jeunes, c'est-à-dire sur la tranche 15-44 ans. On a deux fois plus de morts dans cette période de l'année, hein, octobre, novembre, septembre, grosso modo deux fois plus de morts que l'an dernier à la même époque, et cinq fois plus de morts dans cette tranche d'âge qu'il y a 2 ans, en 2019. Donc là, il y a Ah ouais, des gens qui ah ouais, meurent. oui, il y a un problème. Là, il y a des gens qui meurent, beaucoup, ils sont en pleine force de l'âge, ils sont en 44 ans, même à la fin de cette tranche, ils sont encore en mesure d'avoir des enfants, même pour encore un certain nombre de femmes. Pour les hommes, oui, c'est sûr, sauf problème quelconque. C'est des gens qui travaillent théoriquement, etc. Donc on voit un peu partout une crise cardiaque par-ci, une thrombose par-là, etc. Bon, alors Ah, évidemment, on on vous dire sait, que on sait. ça n'a pas de rapport, mais là, par contre, on touche à des choses tangibles quand on arrive à savoir quand même si les gens sont morts ou sont pas morts. Hein. Là, après, il nous dit oui, mais ça n'a rien à voir avec le Covid, ceci, cela. Mais oui, mais alors, il y a des morts ou pas? Et qu'est-ce qui explique qu'il y a eu des morts? Parce qu'on nous a expliqué maintenant que depuis février, enfin même janvier, on avait administré le vaccin aux gens les plus fragiles. Alors, c'est vrai, par contre, qu'il y a moins de personnes âgées de plus de 85 ans qui meurent. Mais enfin, en même temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mortes ou qu'on a aidé à mourir justement l'an dernier. C'est pour ça qu'il y en a aussi moins qui meurent. Puis, de toute façon, c'est bien triste, mais c'est aussi, de toute façon, la dernière phase de leur vie. Mais quand on a des gens de moins de 45 ans qui meurent, il faut quand même s'inquiéter beaucoup, voilà, je veux dire. Non, mais totalement. Hein. Mais là, je peux dire, pour moi, l'affaire du Covid est terminée. Enfin, je m'entends. Je veux dire qu'au point de vue logique de l'analyse froide, l'imposture est démontrée. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est démontré. Ceux qui veulent avoir accès aux informations, elles sont disponibles, peuvent les analyser et parvenir à la conclusion. Bon, voilà, le Covid, c'est terminé. En revanche, le Covidisme, lui, n'est pas du tout terminé. Mais la pandémie telle que présentée, telle qu'expliquée par les médias et les autorités, ça c'est terminé. C'est terminé grâce à ces statistiques qui viennent de tomber. Voilà, il ne s'est rien passé. Il ne s'est jamais rien passé de particulier. Il y avait une grippe plus virulente que les années précédentes, dont l'origine d'ailleurs est identifiée. On en a parlé. L'origine, c'est ce qu'on avait parlé avec Datzak, comment dirais-je là, comment dirais-je, ce scientifique britannique lié à des spécialistes, des experts américains de la guerre biologique pour l'US Army, qui était présent donc sur le site de Wuhan, laboratoire encore une fois créé par co-créé par Yves Lévy. Donc voilà l'origine qui a demandé, hein, vous vous rappelez de ça, hein, qui avait demandé des financements pour des programmes de guerre biologique, hein. Ils voulaient créer des coronavirus capables d'avoir un taux de létalité de 30%. Et qu'ils voulaient ensuite disséminer dans la nature, notamment dans des populations de chauves-souris, pour ensuite qu'elles contaminent les êtres humains, etc. Donc ça a fait un tel. Le scandale a été relativement étouffé, mais ça a quand même fait un scandale. Il opérait au Lancet, il opérait aussi à l'OMS, c'est même lui, cynisme total, qui a dirigé la délégation de l'OMS, qui s'est rendue à Wuhan pour déterminer l'origine de ce virus. Conclusion, vous serez surprise de la part de sa délégation, elle est d'origine animale et naturelle. Bon, avez bien compris. Et quand on a su qu'il a fait des demandes de financement pour créer de l'armement biologique à base de coronavirus dans la région de Wuhan, bon, on l'a dégagé du Lancet, pas vu, pas pris, pris pendu, comme dit la formule. Donc voilà, donc on le sait, voilà, maintenant tout est. Alors donc ils n'ont plus qu'un argument, mais c'est efficace, c'est le complotisme. Donc ils ont leurs unités de lutte, les unités de propagande, hein, l'état profond occidental dont on a parlé par rapport à la Première Guerre mondiale, à ces unités de désinformation dans chaque média. D'accord, hein, c'est militaire, hein, ils ont des propagandistes dans chaque média, dont le boulot est justement de s'assurer que le discours officiel soit diffusé, mais non seulement ça, mais que toutes les critiques soient neutralisées. Donc, dès qu'il y a une interrogation, hop, fact-checking, entre guillemets, et donc c'est les menteurs professionnels qui viennent resservir la soupe du système, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que le Covid, en tant que tel, est terminé. Voilà. Le covidisme, c'est autre chose. Alors, sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ziegheil.